Nous sommes le 18 à Verdet 1131. Il reste 2 jours et demi pour planifier comment vous allez garder Kaino. Parce que je rappelle que vous l'avez convoqué. Mais vous l'avez convoqué en utilisant vos pouvoirs de métropolite, en lui envoyant une plaque de cuivre. Mais vous n'avez pas vraiment prévu qu'est-ce qui se passait après. Une fois monté en haut, comme ça a été rappelé juste précédemment, bah vous êtes parti voir notre ami Ville Valente et vous avez eu cette discussion. Actuellement, nous sommes dans le QG pour. Vous êtes revenu et, comme je viens de le dire, il vous reste 2 jours et demi pour préparer du coup la venue de Kaino, comment le garder. Vous le savez, je vous le rappelle un peu, parce qu'il y a eu quand même 2 sessions entre temps. Le but de garder Kaino est effectivement laisser le temps à Sofia Benedacci de préparer des preuves d'identité, la cachant sous un faux nom, pour éviter que son père soit au courant de sa fuite, pour qu'elle puisse partir sur les traverses sans se faire repérer et surtout gêner par Kaino. Et pour ça, vous le savez, il suffirait que vous le gardiez une journée entière dans la haute ville. Le temps de ses trajets, de toute façon, serait assez long pour le retenir une semaine, juste en le gardant une journée. Parce qu'il met 3 jours, en gros, pour descendre à toute la basse ville au sud, jusqu'à, le niveau où vous êtes, le bâtiment, pas très loin du bâtiment administratif. Du coup, vous êtes au QG Indigo. Et avant de vous demander ce que vous allez faire pour préparer Kaino, tout ça, rentrer dans la planification, j'aimerais d'abord vous poser une autre question qui n'a pas forcément de rapport. Est-ce que vous avez un peu réfléchi à comment vous voulez habiter, du coup, ce QG Indigo? Vous pouvez, bien entendu, aller voir, si vous voulez, le salon qui s'appelle le QG Indigo, bien entendu, dans lequel il y a des vagues blancs. Indigo, je vois pas de quoi tu parles, hop. Qui a vaguement des plans qui, je rappelle, sont vides, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucun meuble là-dedans. Moi, je propose de le peindre en bleu, déjà. Ça me paraît assez dans le thème. Et niveau organisation de l'espace, etc., est-ce que vous avez pu décider de où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous recevez les gens, ce genre de choses? La décoration, on le fera en off pour les meubles, etc. L'étage où il y a le plus de place, c'est le 7ème, ça. Je répète pour Charlie, je te réponds. On me dit, tout ce qui est décoration et le meublement, on s'en occupera un peu en off, vous ferez des achats un peu en off, on en parlera. Pour l'instant, on va surtout parler de l'occupation de l'espace. Parce que je rappelle, vous avez 3 étages. Et on peut savoir, du coup, où est-ce que vous comptez, au moins, il faut se décider là-dessus pour la suite. Où est-ce que vous recevez les gens? Où est-ce que vous avez votre coin pour vivre? Où est-ce que vous travaillez? Etc, etc. Oui. L'organisation un peu des espaces. Sachant que, du coup, pour te répondre, la superficie est un peu la même, en fait, à chaque étage. Sauf que le 7 est séparé avec une salle principale carrée et 2 petites salles au fond. Là où l'étage 6 et 8 sont totalement ouverts et sans rien. On est d'accord, l'étage... on n'est pas censé accueillir des gens. On reçoit des disques et on les écoute. On n'est pas obligé de faire de salle d'accueil, techniquement. On vous en a pas parlé, en tout cas. Déjà, je pense qu'on est obligé d'en avoir une. Par exemple, on vient de donner rendez-vous à quelqu'un. Oui. Du coup, je propose que la première étage... Il faut un salon. Non, ça me paraît indispensable. Oui, ce que j'allais dire, je pense que dans le premier étage, on peut en faire une salle d'accueil. On se met un petit canapé, un petit tourne-disque, un truc. Et du coup, on n'y stockera pas de documents ni rien. On est d'accord, on est obligé de passer par l'étage 6 pour aller à l'étage 7 et l'étage 8. Non. D'accord. Parce que je rappelle que c'est normal, c'est à la première session. Que c'est une structure carrée, en gros c'est plusieurs bâtiments qui se sont construits, qui a fait qu'il y a une cour centrale, et en fait vous montez par des escaliers qui est à l'intérieur de la cour, et donc du coup en fait les escaliers montent jusqu'au 6, 7 et 8. Et sachant que le 8 c'est juste en dessous du toit. On va murer les portes déjà pour commencer. Murer les portes? Qu'entends-tu par là? Qu'il n'y ait qu'une seule entrée. Ou alors une de cour quelque part ailleurs aussi, mais pas une entrée à chaque étage, ça fait trop de faiblesse. si tu le souhaites. Après, j'ai pas le muret tout seul, donc si mes camarades ne veulent pas... Évidemment. Non, ça ne dérange pas, en effet. Si jamais on peut faire un accès commun, dans l'idée où... Ouais. Mais du coup, j'ai du mal à imaginer, vu que c'est en carré, on peut pas faire vraiment une porte pour les trois étages. Si ? Ah, c'est chaud, là. Du coup, c'est pas possible, physiquement, vu qu'ils sont pas au même endroit, ils sont pas alignés, en fait. Bah ou non, y a rien qui nous... Vertical. Enfin, en gros, c'est une porte qui veut dire une porte pour chaque étage, pas plus. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, en fait. T'as la cage d'escalier, et t'as la cage d'escalier, et tu montres 6, après tu montres 7, après tu montres 8. Mais c'est pas un duplex, c'est pas ou un triplex, je veux dire, c'est pas de l'intérieur que tu vas aux autres étages, c'est de l'extérieur que tu vas à chaque étage. Comme un appartement normal. Ou alors il faut creuser un trou aussi. Non, on peut rien murer, ouais. Ou alors, en effet, on fait un accès à l'intérieur entre les étages. En vrai, c'est pas si con que ça, moi, je trouve ça bien. Ouais, mais alors dans ce cas-là, avant qu'on résout nos affaires... Là, je pense qu'on va un peu trop dans les détails pour l'instant. Mais oui. J'ai proposé de commencer par le peindre en bleu. Oui. Parle. Pour l'instant, ce que je note, c'est que... pour l'instant, ça me va. C'est que vous allez, du coup, construire une salle d'accueil, un petit salon d'accueil, à l'étage 6. Mmh. Ouais. Que vous comptez, même si vous n'allez pas le faire tout de suite, évidemment, mais que vous comptez, vous en avez discuté... du coup de fermer les accès extérieurs et vous créer plutôt des accès intérieurs et du coup centraliser un seul accès pour les gens venant de l'extérieur à votre QG. Oui. Ok, je le note, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien envisager et on en reparlera ça, parce qu'effectivement vous n'allez pas le faire ça en deux minutes. Du coup je vais juste te poser la question, étage 7 et 8, comment vous comptez l'organiser rapidement? Je rappelle que vous devez penser à du stockage et à une salle de travail commune. Après, le reste, vous pouvez le glisser. Rentrez pas forcément dans tous les détails, mais est-ce que vous avez une petite idée comment vous utilisez ça? De ce que je vois du 7e étage... oui, du 7e... Oui. Allô. Les deux petites cloisons, là, je pense que ce serait bien pour y installer des bureaux, tout simplement. Voilà, de faire des petits espaces de travail. Et puis, pourquoi pas, dans le reste, y installer nos archives, entre guillemets, pour documenter toutes nos enquêtes et toute la paperasse qu'on aura à y stocker. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, on pourrait aussi, je sais pas, avoir un seul bureau, avoir une espèce d'armurerie, ce genre de choses... Je sais pas comment... À la limite, ce qu'on peut faire, c'est genre avoir l'étage 7 pour tout ce qui est meeting, réunion, espace de travail, machin. Et l'étage 8, tout ce qui est stockage, armurerie, les archives qu'on aurait besoin, tout ça. Genre, en gros, le dernier étage, c'est vraiment l'endroit où on va stocker en tout genre. Le 7, c'est notre espace de réunion de travail, et le 6, c'est la réception, quoi. Ah ouais. Oui, voilà. Combien plus de... en monde, moins c'est pour les visiteurs. Voilà. Combien de, dis-moi. De pas carré, je sais pas si ça se dit, le bâtiment, oui. Ah, mètres carrés. Alors, je pas du tout... De pas carré. Mais c'est... Oui, de pas carré, voyons, il n'y a pas de mètre. Vous n'êtes pas sur le bon système. Bon, pardon, excusez-moi. Mais je n'ai pas vraiment une vraie distance de pas carré, mais il faut voir que c'est pas non plus... C'est juste pour m'imaginer quelle taille font les deux petites cloisons, là, tu vois. Est-ce qu'on peut parler en mètre carré, si c'est juste pour dire pour qu'on se rende compte, parce que les pas carrés, moi, ça me parle pas. Ça revient au même, mais... j'avais dit que à la base, bon, c'est pas non plus très très espacé, c'est pas non plus le grand luxe. Je pense qu'en tout, une salle sans les salles adjacentes, donc c'est-à-dire le rectangle, il doit faire peut-être dans les, je sais pas, je suis très nul dans ce genre de distance, mais peut-être les 30 mètres carrés, c'est plus petit que mon appart. 30 pas carrés. Ce qui fait que les salles, en prenant à peu près un quart, hein, voilà, ne sont pas non plus extrêmement grandes. Hein. Il faut prendre ça en compte. Donc c'est des KGB, quoi. pas à ce point-là, mais presque, ouais. Okay. En gros, c'est des studios d'étudiants, quoi. Ouais. Ok, donc là, on est dans le garage de Charlie. Exactement. Je vais pour l'instant me suffire de ces réponses, puisque même si on va pouvoir évoluer ça, pour l'instant on a des thématiques principales avec stockage, travail. Après, comment vous avez exactement organisé votre étage de travail, on verra. Accueil, donc ça me va. Parfait, ça m'a permis de répondre du coup à cette question. Je vous pose maintenant la question. Voilà, vous venez de rentrer, vous venez de sortir de votre discussion avec Ville Valente, etc., etc. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites et comment vous avez préparé l'arrivée de Kaino pour le garder, etc. Dites-moi tout. On n'a pas de meubles. On a été voler des chaises et on les a mis pour qu'on puisse s'installer. Oui, déjà, il faut qu'on trouve un justificatif à sa présence. Non, mais il a déjà été invité, de toute manière. Oui, il a été convoqué, mais il risque de vous demander... Mais il n'y en a pas. C'est ça que je voulais dire, parce que voilà, c'est pour ça que là, j'interviens. Premier truc, on trouve un motif. Ouais. Parce qu'il a été juste... C'est pas grave, mais s'il vient et qu'on sait pas quoi lui dire... Ah. Est-ce qu'il va faire appeler son avocat très talentueux qui pourrait nous tuer? Aussi, deux choses à prendre en compte. Bon, premièrement, comme vous venez de le remarquer par vous-même, votre convocation était juste une convocation générale en mode hey, on a besoin de votre présence, et comme vous êtes le ministère de la propagande, on vous croit. Mais il n'y avait pas l'indication du pourquoi, du coup. Deuxième point, que je viens de perdre, génial, je suis très intelligent. Oui, après, n'oubliez pas, vous êtes métropolite, c'est vrai que vous avez votre QG, il est à vous, etc. Rien vous oblige de l'emmener dedans. Vous avez quand même accès au bâtiment métropolite officiel, etc. N'oubliez pas. Être cool pour... Bon, déjà, on va sûrement prendre la pièce du bâtiment officiel, c'est-à-dire pas le QG, parce que sinon ça va faire un peu. Oui. Ouais. Après, c'est pour combien de temps on attend de le mettre de pimper un peu avant qu'il arrive. J'ai pas compris. Il y avait de l'écho. Si jamais on a le temps d'habiller un peu le truc avant qu'il arrive, ça marche aussi très bien, je pense, de le mettre au QG. On aura plus de. Non, on n'aura pas le temps. On a combien de temps déjà? Deux jours. En deux jours, ça va, non? Bon, je pense que ça peut le faire, oui. Je pense qu'en deux jours, on a le temps d'aller à une boutique. En drapier, oui. On avait fait venir tes ouvriers, là, ils vont bosser pendant qu'on fait autre chose. Ah, les potos, vous avez l'argent? Ben, fais venir vos larbins, là. Faites-les venir, ils vont j'ai bosser. J'ai 47 liges, c'est beaucoup déjà ou pas? Oui. J'ai zéro, non? Oui, parce que tu as eu des problèmes familiaux. Ouais, voilà, je suis fauché, les gars, je vous le dis tout de suite. Monsieur a été si vous voulez, moi, à l'usine, on construit des meubles, on pourra peut-être en récupérer quelques-uns. Il doit bien avoir une ou deux usines où je peux récupérer ça à bas prix, sans payer de taxes... plus ou moins légalement. On va pas récupérer du mobilier second ordre non plus. Non, on a quand même des fonctionnaires, je veux dire, un peu de standing, quoi. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Faut pas qu'on achète des meubles faits dans les usines toutes pourries non plus. Bon, ils sont pas si mal. On dérive peut-être un peu. On dérive peut-être un peu, je pense qu'il s'agirait vraiment de trouver un motif avant de... Oui, est-ce que j'essaie de faire, mais on se concentre sur les meubles. C'est ce que je disais à la base, mais moi ce que je disais c'est qu'on peut le ramener ici. Moi je préfère qu'il soit ici entre nous, et au pire on s'en fout, on aura largement le temps de s'occuper des meubles, et de trouver une bonne justification plutôt que de l'emmener au QG. Le motif c'est simple, on dit juste qu'on a besoin de précision pour l'affaire. De toute façon, il est au courant qu'on est sur une affaire, on a besoin de précision. On lui pose trois questions bidons et après on renvoie chez lui. Et si... disons que je sais que mon très cher Kornilov et ma très chère Esther, vous avez certaines relations avec ce club. Et si jamais sur le chemin du retour, il croisait un de vos... camarades, si je puis dire, Mine de rien, je veux dire, enfin bon, je pense pas que la terre, enfin je veux dire, la ville regrettera une telle personne. Je pense qu'il nous a posé que des ennuis pour le moment. Ça a l'air un peu gratuit, non, de le faire abattre après qu'on ait fait venir ici. Mais ce n'est pas nous, il a fait une mauvaise rencontre dans les basses rues de Venise. Dans le même genre, mais je n'obligerais pas à le tuer. Attention aux échos. Sur le chemin du retour, il se fait kidnapper dans une petite ruelle. Un gars arrive à lui mettre sur la tête la somme. Il se réveille 2-3 heures plus tard dans une espèce de, je sais pas moi, de cave ou autre. Les personnes en question lui demandent vaguement de l'argent et le relâchent un ou deux jours plus tard. Mais... Pourquoi vous voulez le faire disparaître? Ouais, en fait, c'est ça, je comprends pas trop, mes amis, parce que. C'est pas quelqu'un de dangereux, en soi, il a tué personne. C'est une personne dangereuse de par son audace. Il va pas en mourir. Et de par ses qualités de syndicaliste, je tiens à vous faire remarquer qu'il s'est quand même posé entre nous et. Comment dire. Notre enquête, je pense que cela mérite une punition adéquate et qu'il pourrait cesser de donner l'envie à ces vermines de vouloir nous tenir tête. Enfin, bien sûr, évidemment, ils ne seront en aucune façon liés à cette chose, mais je ne pense pas que nous devons laisser passer de telles choses, personnellement. Pour moi, si jamais on ne le suit pas, je vois pas le problème. Ouais, ouais. C'est un peu extrême quand même. Vous oubliez quelque chose, c'est que le simple fait qu'il se déplace de chez lui jusqu'à nous laisse déjà assez de temps à notre contractrice, je sais pas, notre connaissance pour qu'elle s'enfuit. Parce que ça met déjà pas mal de temps pour revenir. C'est vrai qu'on soit, bien sûr, je propose tout simplement de l'assassiner. Vous pouvez vous en charger. L'assassiner, c'est con. Oh, mais. Ce que je dis par là, si jamais il vraiment sans lui, pour moi, il vaut mieux plus les kidnapper, simplement les mettre un sac sur la tête, leur lâcher pour terminer. Sinon, comme ils en ont fait pour Nenov, on a attention, vous êtes sûr. Vous vous êtes senti injurié ou pas, personnellement, je pense que je exige des réparations et je ne permettrai pas, comment dire, une personne de cet ordre, disons. De faire ces choses-là qui nous a faites plus bas dans la ville. Mais bon, passons, je vois que vous n'êtes pas très... comment dire... que vous ne semblez pas d'accord avec mon projet. Je m'organiserai moi-même, qu'il en soit ainsi. Mais bon, bref, passons. Trouvons donc ce fameux motif. Nous pourrions donc tout simplement l'interroger, je pense, sur la machine, comme d'habitude, et... demander tout simplement, est-ce qu'on a pensé à demander quelle était la nature de la machine, ce genre de choses? Je veux dire, j'étais un peu distrait lorsque nous avons fait l'interrogatoire, je ne me sentais pas très bien. La machine n'est pas vraiment un sujet de notre enquête. Oui, mais justement, il nous faut un prétexte bidon. Oui, mais le prétexte c'est 3 questions, et puis après il repartira chez lui. Mais il faut les trouver, ces questions. Oh... Vous savez, je pense que les textes écrits, c'est toujours moins naturel que l'improvisation. Soit l'improvisation, comme vous le voudrez, mais moi, je vous le dis, si jamais vous ne connaissez pas et que vous vous retrouvez à cafouiller, bafouiller, il suffit de ne pas laisser Esther l'interroger. Je suis d'accord avec ça. Tant que c'est Kornilov qui interroge, moi, je ne vois pas le problème. Sa technique, qu'il a perfectionnée au fur et à mesure des années, a déjà fait ses preuves de nombreuses fois. Les points du théâtre, je vous dis. Si vous voulez parler de la machine, on parlera de la machine. Mais bon, très bien. Si vous voulez improviser, improviser, mais je vous préviens, je ne serai d'aucune aide dans ce cas-là. Vous vous débrouillerez tout seul, mon projet. Très bien. Je peux pas vous appuyer si je ne sais pas de quoi nous avons parlé. Bah ça me va personnellement. En fait, on se demandait si on allait le réceptionner ici ou au QG, on va dire central de métropolite. Mais en fait, on lui a déjà donné rendez-vous. Donc en fait, il est déjà en direct en route. Ouais, il me semble qu'on lui avait déjà demandé de nous rejoindre au QG. du métropolite. Le lieu de rencontre m'importe peu en soi. On n'a pas vraiment détaillé l'inconvocation. Je vous dis que c'en était une. Décider a posteriori de qu'est-ce que vous avez réellement écrit sur la plaque ne me dérange pas. Donc, soit maintenant. Comme vous voulez. Moi, je préfère le retrouver ici, mais si vous voulez qu'on aille au QG des métropolites, je vois pas du tout ceci. Bah, aller chercher des meubles alors. Ouais. Commençons à la décoration. Ouais. Non, on a deux jours devant nous. Eh ben justement, qu'est-ce que vous avez deux jours devant vous ? Eh oui, non mais, il va y avoir du temps qui passe. Niveau meubles, vous n'allez pas pouvoir vous prendre grande chose. Hein. Je vous rappelle que tout est en métal, hein, et que du coup la construction peut être assez lente. Et voilà, c'est du transport, c'est de l'organisation. Les mecs livrent pas comme ça à la semelle. Et ils vous laissent pas non plus partir avec une énorme table de plusieurs tonnes de livres à transporter tout au long de la ville, c'est normal. Donc du coup, il y a quand même une organisation, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses. Citez-moi du coup trois objets que vient d'être équipé votre QG Indigo. Je propose un canapé pour Romba. Très bien. Fais du coup le canapé avec... Est-ce que ça serait plutôt du cuir d'albâtre ou est-ce que ça serait plutôt du chambre de... Enfin, je crois que c'est du chambre, non. Enfin bref, de la matière créée à partir de la fleur des crimes. C'est totalement optionnel. Est-ce que la matière créée à partir de la fleur des crimes, on sait si elle a des propriétés Non, c'est très commun, hein. C'est beaucoup de tissus sont faits à base de ça, la plupart de vos vêtements sont d'ailleurs à base de ça. Ça peut plutôt être ça, mais bon, vous voulez suivre. Enfin, je vais juste faire un peu plus pro que l'albâtre. Ouais, pas de contradiction, ok. Ok. Deuxième objet. Une table, ça peut être bien, hein. Pour poser quelque chose dessus, sans qu'on n'ait pas à poser par terre. Exactement, vous avez une table, un canapé. Canapé avec des trucs de métaux et table en métal. Ouais, des trucs pour ranger quelques premiers dossiers avec à l'intérieur. Une armoire, enfin. Du livre. Ouais. On est d'accord, on a déjà un appareil pour lire les disques. Il me semble. Il était déjà un. Je ne sais plus. Il me semble. Une armoire, enfin un truc pour ranger du. Une petite colonne avec quatre rangées, ça. Ah bien, déjà pour commencer, vous pourrez ranger du coup les 10 plaques de fer que vous avez reçues de mission. Yes. Oui, voilà, après vous les traîner par terre. Vous pourrez faire genre que vous classifiez, etc. Parfait. Donc, du coup, votre QG vient de gagner ceci. Les jours passent, si vous n'avez plus rien d'autre à programmer. Et. Très bien. Est-ce que peut-être juste. Est-ce qu'il y a du matériel de base dont on pourrait avoir besoin qu'on ne possède pas actuellement ? Tu vois, juste ce que j'allais dire dans notre monde à nous, donc ce serait sans doute c'est du papier, des crayons, mais vu que eux, vu que nous n'avons pas ça, on est alors c'est un si t'as envie d'enregistrer la conversation, il faut un phono-éditeur, voilà, par exemple, ouais. Que vous pourriez acheter tout simplement au service métropolite quelconque. Ah, tiens, coûterait combien stock. J'ai une question, oui, excusez-moi, la craie ça existe, genre la craie et les tableaux. Ça peut être utile pour remplacer du papier, ça, pour nous, des notes et tout ça. Ouais, carrément. Ouais. Là, j'avoue que tu me mets une petite colle. Je te dirai ça... C'est l'ardoise. Plus tard. Il doit bien avoir des tours en ardoise. Ouais, ça me semble pas impossible. Je me renseignerai. J'avoue, j'ai pas fait gaffe à est-ce que ça va exister ou pas. Ouais. Et, vu que ça peut changer pas mal de choses, je préfère vérifier avant de donner une réponse positive ou négative. Ok. En tout cas, pour ce qui est... Bah, après... Dans tous les cas, même si ça doit pas être si commun que ça, juste pour une raison, c'est que comme la culture pop est très basée sur l'oral plutôt que l'écrit, je me demande si du coup il y a même si ça existe, il y aura peut-être pas un gros développement. Ouais. C'est ça, c'est ce que j'avais dit à la première session, c'est que vous êtes lettré, vous, que vous avez pris récemment ou pas en vue de vos conditions, mais la majorité de la population ne l'est pas. C'est pour ça que beaucoup de choses tournent au disque phonographique, c'est pour ça que par exemple. L'homme que vous avez embêté il y a 6 mois de ça dans son usine enregistre ses conversations en disque et ne fait pas des rapports écrits, par exemple. Oui. Du coup, oui, c'est un phono-éditeur pour du coup enregistrer des disques, si vous voulez, enregistrer la conversation. Et pour le lire, bah, c'est un gramophone. Et en gros, pour le tout, vous pouvez en tirer pour 4 ou 5 liges. Le lecteur est plus cher que le phono-éditeur. Je pense que je vais prendre. Ok. Ne serait-ce que pas la peine d'acheter le lecteur, j'en ai déjà un chez moi. Quand on prend l'amener, ce serait inutile dans ma chambre. Mais l'intérêt aussi, c'est que même si là on s'en fout moindement de l'enregistrer, parce que lui on va pas le faire, mais ça donne un petit côté un peu sérieux d'avoir ça. C'est comme une caméra de sécurité dans un magasin, quoi. Ça fait tout de suite. D'ailleurs, vous le savez, parce que c'est les métropolites sont très connus pour ça, mais lorsque des métropolites plus gradés que vous, parce que pour l'instant je rappelle que vous n'avez aucun grade, font des enquêtes, etc., et qu'ils interrogent des gens, ils sont toujours pas trois, un homme qui interroge, le second qui l'assiste, et un troisième qui est juste assis dans un coin pour retenir la moindre information qui est dite, et ce sont des gens dont leur métier est de retenir par cœur toutes les conversations qu'ils entendent. Voilà. Ça donne un peu de lore, mais vous le savez, parce que de toute façon, c'est quand même un truc très connu chez les métropolites, c'est que quand vous voyez trois métropolites arriver vers vous, c'est que généralement vous êtes en train de subir un interrogatoire. Enfin bref. Du coup, effectivement, c'est pour ça que ça peut faire effectivement professionnel d'avoir quelque chose pour enregistrer les conversations. Donc, vous achetez un phono-éditeur, peut-être pas le lecteur, et quelques disques, je suppose, qui coûtent pas si cher que ça à acheter, pour pouvoir les remplir par moment. Je me retire, du coup, combien de liches? 47 liges, du coup, tu m'as dit 5 liges. Non, moins, parce que tu prends pas le lecteur. Du coup, tu vas juste te retirer 2 liges. Ok. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, tu en as 45 maintenant, c'est ça? Exactement. Parfait. Parfait. Victor, tu en as 0, ça c'est facile à retenir. Et Hugo, j'avoue ne plus savoir. On verra plus tard. Je crois qu'il en a 30. Bref. Le temps passe, vous avez acheté tout ça, vous vous mettez en place. Et du coup, vient le 20. 0-1. Enfin, le 20-1. Verdé 1131. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment pour rétablir le calendrier. Donc, le 20-1 Verdé 1131. C'est le jour de la rencontre. Donc, vous l'attendez plus ou moins à une horaire plutôt décente. C'est-à-dire pas très tôt le matin, mais quand même pas trop tard non plus. Parce que vous devinez que quelqu'un qui se déplace pendant 3 jours fait en sorte de pouvoir repartir le plus tôt possible pour pas... se prendre encore une soirée et perdre du temps sur place. À part s'il y a des choses à faire. Enfin bref. La matinée est plutôt bien entamée. Il doit être 10-11 heures environ. Quand se présente du coup à votre porte, et toque avec l'énorme armature de fer, la personne sûrement que vous attendez. Qui va lui ouvrir. Bon, je vais aller lui ouvrir. Ouais, pas Victor, a priori. Ouais, Victor est à l'étage. Ouais. Tu vas lui ouvrir, du coup, Esther. Et effectivement, tu glisses, du coup, la porte. Et face à toi se trouve, effectivement, Bakaino, habillé plus ou moins pareil que dans tes souvenirs, qui semble pas plus stressé que ça, mais pas non plus hostile à sa venue, tu vois, comme quelqu'un qui au final, vient juste à une convocation, quoi. Il opine de la tête pour te saluer. Je le salue également. Nous vous attendions, veuillez prendre place, et je lui pointe de la main le canapé. Mon collègue va venir vous interroger d'ici peu. Ok. Tu vois qu'il rentre, dépose quelques affaires dans un petit sac. Un sac, bien entendu, un peu de plastique, mais un sac de tissu. Qu'il dépose à côté de l'entrée, te regardant dans les yeux pour voir si tu as sa... Enfin, s'il a ta validation pour laisser ces affaires-là. Et si tu valides, il va s'asseoir sur le canapé que tu as indiqué. À ce moment-là, je vais me poser dans un coin de la pièce... J'appuie mon dos vraiment au niveau de l'angle et je croise les bras en le regardant. De papa, de manière, on va dire, provocative. Enfin, je vais pas le mettre mal à l'aise, mais juste, wow, j'attends, quoi. Et je laisse Kornilov appliquer sa fameuse technique. Kornilov, tu es directement dans la salle, tu... Non, j'étais pas dans la salle, je faisais genre que j'étais occupé ailleurs, sûrement à l'étage qui est vide. Très bien. Murer les portes. Ouais, t'es en train de murer les portes. Je vais venir recouvert de ciment. Bah, du coup, quelqu'un vient te prévenir. Et tu te rends en bas, sûrement accompagné du coup de Victor qui était lui aussi, à l'étage. Et de moi. Pas de toi ? Ouais. Bah oui, de moi. Oui. Non, j'ai entendu pas de moi, je t'en dis ah bon. Oui, et du coup. Parfait. Du coup, tu descends et dis-moi quand tu arrives, comment tu rentres en jeu. Eh bien, je vais simplement déjà rentrer dans la pièce. Le salut, tout simplement. Bonjour, vous avez fait bon voyage. Ouais, bonjour, ouais. Monsieur Innsmouth. Bonjour. Et je vais tout simplement m'installer sur le même canapé que lui, parce que mes camarades n'ont pas jugé bon d'avoir une autre chaise pour être en face de lui. Moi, je m'appuie contre le mur, en fait, face à lui. Bah, on est en même temps, il n'y a que ça. on est devenu une la provocation alors qu'en fait on a juste pas de table, enfin pas de chaise. Mais on fait comme si c'était un choix. Pour déstabiliser. Je crois que tu t'assois à côté, il est un peu surpris, c'est pas vraiment une ambiance officielle, mais bon, il se dit ça doit être quelque chose de décontracté. On fait ce qu'on. Moi je reste debout, mais très proche de lui, genre juste à côté quoi. Il y a un pas. On est trois debout. Nous excusons de vous avoir fait monter jusqu'ici. Faut dire qu'on travaille sur plusieurs affaires en même temps et on n'avait pas les moyens de descendre pour vous voir. J'espère que vous ne nous en voulez pas trop. Non. Mais vous comprenez bien que la priorité absolue est la menée de notre enquête et que cela dépasse bien sûr la production d'une petite usine comme celle que vous occupez, bien sûr. Ah, mais je suis d'accord. Donc vous respectez une bonne condition de vie pour les Le ministère de la propagande prime avant de telles vacations. Oh, mais si c'est ce que vous pensez légalement, on peut en parler devant un tribunal, si vous voulez. J'ai un excellent ami avocat dualiste, je vous l'ai dit. Vous voulez un verre ? On connaît quelques gens dans des bars... On a sûrement quelque chose dans le coin, hein ? Je regarde un de mes camarades. Ouais, bien sûr. Je vais ouvrir l'armoire. Et la seule armoire qu'on a. La seule armoire. Et je dégage un petit peu les 10 disques qu'on a mis dedans, comme s'il y avait plein de trucs. Mais tu sais, je me mets devant pour pas trop que ça soit en mode « Ah, oh, ouais, ce que j'ai... » Tu sais, t'as deux bouteilles, qui sont juste à côté, je les prends. C'est des plaques de cuivre, mais effectivement. Oui, non, des plaques de cuivre, excuse-moi. Non, y a pas de soucis. J'ai dit quoi ? Disque de fer ? T'as dit disque. Ouais, pardon. Voilà, est-ce que tout se passe bien à l'usine en ce moment ? Et je sers des verres à peu près à tout le monde. À vrai dire... il y a eu quelques soucis récemment, mais je ne suis pas le principal concerné. Moi, je n'ai qu'un but, c'est de servir le syndicat. Et des soucis, mais... Des soucis de quel ordre ? Il y a eu un vol récemment. Il y a eu une ça a mis du temps à être marqué, mais apparemment il manque une machine, quelque chose du genre. Je sais pas, j'ai pas encore eu le temps de me renseigner. J'ai été appelé juste après avoir de la prise, donc je suis ici. Une machine. Surprenant. Encore ? C'est pas la première fois ? Attends. Je pense qu'il fait référence à la même machine. C'est la même machine. D'accord, c'est la même, ouais, d'accord. Non, je pense que nous parlons d'un autre cas que nous avons étudié récemment dans une autre usine, vous savez. Nos enquêtes nous mènent à nous promener dans tous les bas-fonds les plus malfamés de la ville. Alors, c'est courant, ce genre de choses. Le vol de machine, pas trop. On a tendance à pas trop toucher au matériel, vu le prix que c'est. Oh, ça c'est vous qui le dites. Ouais, c'est moi qui le dis. Bon. Du coup, quelle est la raison de ma convocation ici ? Écoutez, nous avons un souci en fait avec la gérante de l'usine. Nous avons des... Comment dirais-je, des suspicions peut-être sur des malversations qu'elle ferait peut-être pour faire en sorte que son usine tourne bien. Et étant donné que vous êtes proche d'elle, on aimerait que vous puissiez nous en dire un peu plus sur elle. Ça pourrait être intéressant pour nous. J'entends. Je ne suis pas particulièrement proche, mais effectivement, je travaille avec elle. Tout simplement pour le bien-être du syndicat. J'aimerais peut-être un peu plus de détails sur ces fameuses actions qu'elle commettrait. J'en ai eu vent d'aucun pour le moment. L'usine est... Malgré le fait que ce qu'elle produit est assez déplorable, plutôt honnête. Disons que vous savez que dans ce domaine, la concurrence est rude et certains sont prêts... à faire, il n'y a pas vraiment de concurrence dans ce domaine. C'est la seule usine autre que les concernes. Oui, mais si vous voulez, quand je vous parle de concurrence, c'est que certains aimeraient concernes. Détenir toutes les clés des. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et du coup, pour voir y arriver, ils sont prêts à mettre des bâtons dans les roues aux uns et aux autres. Et nous pensons peut-être que. Elle pourrait essayer de faire tomber d'autres personnes pour en tirer profit, peut-être s'agrandir, se développer, pouvoir détenir vous des... Pardon ? Vous parlez toujours des concernes. Exactement. Oui, mais du coup, quel rapport avec Madame Benedacci ? Oui, mais je pense qu'elle aurait peut-être des relations un peu troubles et... Vous savez, on a besoin de... On a su que vous êtes proche d'elle puisque vous êtes un peu son bras droit quelque part, vous l'aidez un petit peu à faire tourner la boutique. Donc peut-être que vous auriez pu voir ou entendre des choses. Vous vous trompez, je ne gère absolument pas cette usine. Je ne fais que gérer le bien-être des employés qui y sont. Oui, mais vous êtes de fait proche de... Oui, je suis en conversation avec voilà. Elle donc, plutôt fréquemment. Si vous auriez vu ou entendu des choses, nous sommes sûrs que vous pourriez nous en parler. Ce qui me semble étrange, excusez-moi, c'est que vous parlez des concernes qui tentent, et personne ne pourrait vous contredire là-dessus, d'avoir un monopole total quitte à faire couler une entreprise concurrente, en mêlant Madame Benedacci là-dessus. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, elle serait plutôt la cible de ses concernes, plutôt comment que ses alliés. Puisque... Comment ? Mais elle est, pour l'instant, la seule usine à produire l'armement que les concernes voudraient contrôler du début à la fin. Donc s'ils voudraient atteindre à une usine particulière, ça serait bien celle des Benedacci. Mmh. Et je pense qu'elle tient debout d'ailleurs uniquement grâce au père... Et vous avez eu vent de ce genre d'action contre elle ou bien... Non, mais... Est-ce que ça aurait un rapport avec votre histoire de machine ? Justement. J'ai pas eu le temps, encore une fois, d'enquêter là-dessus, puisque, encore une fois, vous m'avez appelé au même moment. Mais je pense que si ce vol est explicable, je n'ai pas encore conscience de quoi, mais c'est clairement la première piste que j'envisage. C'est des concernes. Ce sont des concernes, quoi qu'il arrive. Ils ont l'habitude d'avoir le monopole, ils ne l'ont pas ici, cela les dérange fortement. Donc ça fait des alliances politiques et ça fait en sorte d'arriver à leur fin. Ça serait pas étonnant. Ça serait étrangement très frontal. Hein. Le vol d'une machine n'est pas quelque chose de. Qui se passe fréquemment et sans conséquence, mais. Après tout, s'ils sont à ce point-là désespérés et qu'ils n'arrivent pas à négocier avec le Pierre, ça serait pas totalement impossible. Ouais. Et vous auriez des noms peut-être de personnes qui seraient susceptibles de vouloir la faire tomber. Enfin, c'est les concernes. On n'en doute pas, mais disons que peut-être des noms à mettre en face de cette menace. Bah allez voir les nobles marchands qui gèrent le concerne. Comment il s'appelle celui de l'armement Il traîne toujours avec un membre de la loge. Valente. Oui, voilà. Vivalente est toujours avec. Oui, Materati d'Aigual, oui. C'est un noble marchand qui gère tout simplement tout ça. Pas si noble. Je pense que c'est le genre d'informations que vous pouvez trouver facilement par vous-même, sans manquer de respect, bien entendu. Mais ils sont facilement trouvables à partir du moment où vous avez accès à la haute ville. Hein. Je connais de noms sans les avoir jamais rencontrés d'ailleurs. Tout simplement parce que par mon activité je monte, mais. Pourquoi vous insistez autant sur le fait que vous les avez jamais rencontrés? C'était juste un détail, ce n'est pas une insistance particulière. C'est juste ça m'est revenu comme ça, j'en ai parlé, vous savez. On a souvent tendance, quand on parle, à rajouter des détails inutiles, parce que c'est comme ça qu'on donne la mémoire. Et dites-moi, du coup, comme vous avez l'air d'apprécier votre poste et que cette usine, je pense, pour vous est quand même comme une peut-être seconde maison, si je puis dire, seriez-vous enclin à nous aider à démanteler ou de mettre la main sur ces machinations qui pourraient. S'il faut. Oui, auriez-vous des contacts qui puissent nous aider? J'ai évidemment un contact, mais. Vous savez, quand on représente le bas peuple ici haut, on a très peu de personnes qui nous apprécient. Disons que vous en avez entendu parler, mais. J'ai un ami avocat dueliste qui me permet d'être plutôt en sécurité lorsque je monte ici. Maintenant, je sais pas ce que ça vous apporterait de le rencontrer. Mais enfin. Justement, je vais me poser une question. Vous parlez souvent de cet ami Kotarka, si je me souviens bien. Dites-moi, si vous en parlez autant. C'est parce que vous avez du mal à faire face vous-même à vos problèmes? Je vous prie, c'est si faible ici-bas. Non, c'est-à-dire que on a plutôt conscience, vous savez, de la nature plutôt corruptible et d'abus de pouvoir que vous avez tendance à faire, vous, membre d'une quelconque manière du pouvoir en place, et par conséquent. On est obligé de s'armer contre ça. Si je n'aurais pas, je pense, cet ami si vital, ça ferait bien longtemps que j'aurais été jeté dans les crimes entre deux déplacements. Je vois. C'est vrai que avec tout ça, voilà, on a beaucoup de pistes un peu. Savoir si c'est de fausses pistes ou pas, mais voilà, notre Allez, piste voir. Principale au début était vraiment mademoiselle, je sais plus comment elle s'appelle. Benedacci, voilà. Mais je vous le dis, allez voir le concern de la défense, ce sont eux qui gèrent l'armement, ils travaillent en commun avec les loges d'armement de Venise, ils ont énormément de pouvoir, et si quelqu'un viendrait à tenter à l'usine... Vous croyez réellement qu'on va aller les voir et qu'ils vont nous dire « Mais bien sûr, c'est nous. Nous avons... on peut pas venir comme ça et leur demander... Ça serait absurde, mais... Vous savez, certains ont pas mal d'ego bien placé. Mais je vous le reconnais que ça serait très absurde qu'ils reconnaissent directement face à vous. Voilà. Il nous faut des preuves, il nous faut des choses de... Quelque chose de fort pour pouvoir les mettre en face de leur effet. Des preuves. C'est vrai. C'est bien, je savais pas qu'il restait des métropolites encore intègres. Ah bah écoutez... Vous voyez qu'on n'a pas de... On n'a pas de grade non plus. Ah bon, ça. C'est peut-être lié. Nous sommes tout frais démoulés de l'école et nous avons à faire nos preuves. J'espère que vous ne ferez pas corrompre avec le temps. Ouais, ce serait dommage. Aucun risque. Ce n'est pas dans notre marche d'avenir. D'ailleurs, si jamais un jour vous avez un problème quelconque, n'hésitez pas à revenir nous voir. Vous voulez un autre verre ? Non, ça ira, ça ira. On boit pas trop de là où je viens. Philippe bourré. Je vois. En tout cas, vous buvez si peu aussi quand vous passez du temps avec Mademoiselle Benedacci ? On travaille, on ne boit pas du tout. Je vois. C'est peut-être pour ça qu'elle vous aime pas autant que vous voudriez. Bah, c'est bien normal, après tout, je suis représentant du syndicat et je ne vais pas forcément dans la même orientation qu'elle. Mais une chose... pas la même orientation, c'est intéressant. Une chose me taraude, mais il est vrai, et là je me retourne un peu avec tout le monde, c'est vrai que, à y bien réfléchir, Mademoiselle Benedacci est une fort belle femme. Il est vrai. Très... On pourrait facilement tomber amoureux de cette femme. Vous en pensez quoi, monsieur? Vos collègues sont-ils au courant de vos relations hétérosexuelles? Je n'ai pas de relation avec qui que ce soit. Vous voudriez, en tout cas. Pourquoi elle s'enfuit aussi loin? De quoi vous parlez? Non, vous abordez un sujet, vous avez l'air d'attendre une réaction de ma part, j'aimerais comprendre de quoi vous parlez. Non, rien, c'est juste que je crois comprendre qu'a priori votre ami Kotarka est sûrement plus vif d'esprit que vous. Enfin bref. Et pourquoi donc? Dites-le moi. J'ai cru entendre par-ci par-là que vous aviez a priori... assez peu d'intérêt pour les paroles du prêtre oui. Qui passe son temps. Pourtant, quand nous avons passé un peu de temps aux alentours, vous nous avez sûrement remarqué. Oui, mais mis à part notre première altercation, vous n'êtes pas intervenu. On vous a vu passer tout de même au moins une de ces prêches par jour au moins. C'est juste pour être avec vos camarades prolétaires ou... Je ne crois pas au culte de la Malachine. À vrai dire, je n'ai pas vraiment de croyance autre que le scientisme. Bien que j'en ai conscience que c'est sûrement une croyance plutôt qu'une vérité, mais... Je vois. Et il n'y a rien qui vous intéresse dans ce qu'il racontait, par exemple, ses propos particuliers vis-à-vis des crimes? Vous savez, pour vous répondre franchement à ma relation avec eux, ne les autorise que parce qu'ils ont offert un lieu de repos finalement à ces ouvriers en leur permettant de simplement avoir des bancs, ce genre de choses, en plein milieu de cette usine qui n'en possédait guère avant. Ce qu'ils racontent ne m'intéresse peu, il intéresse certains ouvriers, quand bien leur fasse, ils préfèrent se perdre dans certains contes pour enfants, je ne peux rien y faire. Mais après tout ce qu'offre le prêtre, c'est quand même une bonne heure assis sur un banc. Je n'ai rien à lui reprocher là-dessus. Des contes pour enfants, vous dites? Ah, et vous tenez ce même genre de propos en face de vos camarades? Je ne discute pas de ça avec eux. Chacun croit en ce qu'ils veulent. Si vous croyez au cul de la Malachine, ça ne me pose aucun problème. C'est juste mon avis personnel. J'en parle avec mes amis, les gens auxquels on peut avoir ce genre de conversation. Ça n'aura aucun intérêt que j'aille voir les ouvriers pour juste leur dire ça. Vous en avez déjà parlé avec Mademoiselle Benedacci? Pas particulièrement. Un tout petit peu, je dois l'avouer, parce que la question s'est quand même posée de leur présence, mais... Mis à part après avoir établi le fait qu'ils apportent plus de bien que de mal, on n'a pas approfondi le sujet. Est-ce que vous savez ce qu'elle pense de tout ça? Non. Non? Avez-vous déjà parlé d'autre chose avec elle que le travail? sommes des êtres humains, nous échangeons effectivement, par moments, de manière un peu plus libre, mais pas particulièrement non plus. Du coup, savez-vous si elle a des aspirations particulières, des choses qu'elle aimerait faire peut-être ? Quitter l'usine. Quitter l'usine ? C'est-à-dire tout abandonner ? Disons que c'est un héritage qu'elle n'a jamais souhaité. Et... pas plus que certaines relations. Du coup, c'est quelque chose de... de plutôt fort. Généralement, on ne partage pas ça avec un collègue de travail. C'est plutôt avec un ami proche, quelqu'un de confident. Vous avez l'air quand même plus proche que ce que vous pensez l'être. Je pense que vous surestimez un peu. Je pense d'ailleurs que même vous êtes déjà au courant. Ça se voit son comportement, ça se voit comment elle est. Elle n'a jamais caché de ne pas avoir beaucoup d'intérêt envers cette usine. Oui, je suis presque sûr que la première fois que vous lui avez parlé, elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur. C'est probable, mais de là à vous dire qu'elle veut quitter tout... Je ne l'ai pas dit qu'elle me l'avait dit directement. Vous m'avez demandé si elle avait des aspirations, je vous ai dit ce que je pensais être une aspiration. Ouais. Bon, eh bien, je pense que nous avons les détails qu'il nous fallait pour le reste de l'enquête. Si mes camarades sont d'accord. Oui, oui. J'acquiesce de la tête depuis le fond de la pièce. Vous êtes libre de rentrer chez vous et de découvrir que vous avez sûrement raison. Ouais. Bon, allez donc aller voir ses conserves et la prochaine fois que vous avez une discussion aussi courte, envoyez un messager, je sais pas, quelque chose. Ça fait quand même beaucoup de voyages pour pas grand chose. Enfin, bien que ça puisse vous aider, hein, bien entendu, mais. Un petit verre pour la mais nous vous convoquons si nous le voulons, quand nous le voulons, à notre guise, et vous êtes à notre disposition. Je ne vous ai pas interdit, je vous ai juste dit que pour des conversations aussi courtes, on peut s'arranger autrement. N'oubliez pas, ce serait de devoir revenir récupérer quelque chose. Non, c'est bon, je récupère ce sac, par exemple. Je ne l'oublie pas. Ouais. Et je ne prends toujours pas votre verre, monsieur, merci. Très bien. Eh bien, et puis du coup, je le raccompagne jusqu'à la porte. Et vous transmettrez. Vous transmettrez nos salutations à Mademoiselle Benedetti également. Si grand bien vous fasse. Et il vous salue. Dites-lui bon voyage de ma part. Et on ferme la porte. Merci du con. Ah, le pauvre. Je propose qu'on se renomme le QG Rose. Et t'es vraiment pas malin. On a été plutôt efficace et il s'est douté de presque rien. Je sais pas parler. Moi je suis resté dans le coin. Nos allusions étaient voulues, mais disons qu'il se doute pas que. Ah, soit il est vraiment pas vif, soit il est assez vif pour avoir compris qu'il ne fallait pas nous montrer qu'il comprenait. Ouais. C'est mon diagnostic. Enfin, quoi qu'il en soit, nous avons réussi ce que nous devions faire. Nous l'avons entendu assez longtemps pour que mademoiselle s'en aille. Et que comptez-vous faire maintenant ? C'est pas faux. On va sûrement s'attarder sur toutes les plaques qu'on a reçues pendant notre absence. Exactement. Ouais, go. Ouais. Autant choisir notre nouvelle mission. Et je vous propose qu'on en choisisse une sur laquelle on va enquêter plus tard. Et une à laquelle on va répondre maintenant. Je rappelle que votre première mission n'est pas finie. Bah, il suffit qu'on attende qu'elle s'en aille, non ? Non, il faut. Notre mission, il faut rendre. C'est pour ça que j'en parle. Oui, il faut rendre les comptes. Ce n'est pas votre mission, ça, c'est une aide personnelle qu'une personne vous a demandé. Pour faire notre rapport, alors. Il faut faire le rapport comme quoi le culte de Valachite est. Oui, non, on quitte plus tard. Menace, quoi. Ah, y a un gars qui est menace. C'est pas RP de dire dans une prochaine session, mais c'est ce que j'aime. Non, ce que moi je veux dire, c'est que vous avez une mission à l'heure actuelle qui attend toujours une réponse. Oui, il faut répondre. Il n'a pas de lien avec tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Non, on va faire le rapport tout à l'heure. Bah, au niveau des machines, de ce moment-là, c'est un peu. C'est pas la machine. On n'est pas en question avec les machines. C'est le culte. C'est le prêtre. C'est le prêtre. Notre objectif de base, c'était bien de définir si oui ou non il y avait un culte. Oui, plus, c'est ça. On va dire pas extrémiste, mais plus, on va dire, fidèle que de base. Parce que je sais qu'ils étaient tolérés. C'est inacceptable. La question, c'est genre de l'hérésie. Ils avaient développé une forme d'hérésie, quoi. La question, c'était pas le culte, etc. La question, c'était juste. Apparemment, là-bas, il y a des gens qui, surtout le prêtre, qui tient un propos qui serait peut-être problématique vis-à-vis du scientiste en place. Et vous vous êtes juste demandé, est-ce que c'est le cas? Oui, non. C'était ça votre mission de base, hein, je rappelle. Il y a deux sessions. Oui. Voilà. Mais je répète, parce que je sais qu'il y a eu la prélude entre temps. Oui, là, on a fait un petit peu la fin alternative. De... Bah, il faut imprimer, il faut, graver le compte rendu, là. Il faut graver le compte rendu, l'envoyer. Et du coup, en parler pour discuter de ce que vous voulez en faire. Mais voilà, si j'ai dit ça, c'est parce que pour moi, ça, c'était faisable en une heure et demie. Mais encore une fois, bah, ça, c'est pas très FP. Je ne l'ai pas dit dans le RP. Après, on peut tout à fait... Une heure et demie pour la session. Mais non, mais justement, je rappelle un mot, mais ne pensez pas en joueur, pensez en personnage. Je m'occupe du reste. On peut tout à fait faire notre rapport maintenant pour la hiérarchie. Et une fois qu'on l'aura fait, décider de ce qu'on va faire en regardant les différentes plaques qu'on a reçues. Ouais. Comme ça, on en termine avec le taf. Bah si vous voulez, je vais graver le compte rendu une fois qu'on aura décidé ce qu'on met et ce qu'on met pas dedans. Bien sûr. Je dirais qu'on met plus ou moins tout ce qui est en rapport avec le culte, c'est-à-dire pas les machines perdues, tout ça, ça sert à rien. Je pense que c'est le temps de commencer, en effet, comme tu dis, tout ce qui ne présente pas d'intérêt, on le met pas, mais sinon on dit absolument tout parce que il serait temps de devenir un peu corrompu. Pardon. Ça y est, c'est avec le déjà corrompu là, ça y est. Non, mais après, on peut dire que, pour moi, ça représente pas une menace directe là comme ça, mais c'est peut-être à surveiller dans le temps. Ça pourrait évoluer, mais que pour l'instant. Mais ça, c'est pas à nous de gérer. Il faut juste marquer, oui, le prêtre, il est méchant. Enfin voilà. Enfin, oui, le prêtre a des propos inacceptables vis-à-vis de l'escrime. Inquiétant. Pour le coup, ça se limite vraiment à ça. Oui, voilà. Suspicion d'hérésie notoire, préconisation d'extermination. C'est pas suspicion, c'est confirmation. On est là pour ça. Oui, on extermination, carrément. Bon. Je vais faire graver ça, et si vous voulez, vous pouvez lire de votre côté le machin, et j'envoie ça. Ouais, bah, pendant qu'il envoie... Je récapitule pour savoir, parce que ça a beaucoup d'influence sur la suite, attention. Waouh. Non, vraiment, j'ai besoin de savoir. Concrètement... la question de est-ce que les propos sont-ils dangereux vis-à-vis du scientisme mis en place, la réponse est oui. Ok. Dans les détails qui sont donnés, donc sont effacés tout ce qui est rapport aux machines disparues, tout ce qui est rapport à Rolando, à Vivalente, à Sofia, etc. Voilà. Ouais. Vous vous concentrez sur le culte. À la base, c'est ce qu'on vous a demandé. C'est tout. Alors, la question nous a posé. Le reste, c'était du bonus. Okay. Sinon, c'est de hors sujet, on a une mauvaise note. Et du coup, pendant que tu graves tout ça, nous on va s'atteler à regarder les plaques qu'on a reçues pour voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Eh bien. Mon cher Kornilov, tu vas du coup remettre, tu vas aller te rendre du coup au bâtiment institutionnel du ministère de la propagande, et là-bas tu vas tout simplement aller voir un graveur afin qu'il grave ton rapport sur une petite plaque qui sera plus tard sûrement fondue une fois la prise de décision faite. Et tout simplement tu vas remettre ton rapport là-bas et tu vas rejoindre les autres. Vous avez donc rendu, comme prévu, votre rapport. Entre-temps, vous avez commencé à vous occuper des petites missions qui sont sur la plaque. Très généralement, ce sont des missions vraiment très banales, qui vous demandent juste de faire un aller-retour entre deux personnes compatentes se déplacer. Vous dites sûrement que, de toute façon, vous avez prévenu, vous êtes là pour faire des... pour faire les affaires, et pour rendre heureux le moindre métropolite, pour avoir le droit de gagner votre badge et devenir un véritable métropolite... un peu mieux considéré. Mais vous avez surtout été très coincé chez vous, dans votre maison, la plupart du temps, puisque, comme l'avaient montré les signes récents, une semaine de pluie acide s'est abattue sur la ville de Venise. Comme dit, vous avez vécu là quelques jours sans aucune pluie, ce qui est très rare dans les crimes, et ce qui veut dire que du coup, le taux des crimes et d'acidité absorbés par les nuages dans le cycle de l'eau a été plus élevé que d'habitude, et ça finit sur des pluies acides. C'est des pluies dans lesquelles quasiment personne ne sort, où la ville se meurt pendant quelques jours, et ce de manière assez logique, puisque, encore une fois, c'est de l'acide qui tombe du ciel. Pendant une semaine, quasiment, il y a eu cette pluie d'acide qui a été remplacée petit à petit par de la pluie d'eau, tout simplement, reprenant un peu la vie de Venise. Nous sommes le 1-2 Verde 1131. Vous avez actuellement tous les 4 rendez-vous à Méandre. Pour vous expliquer ce qu'est Méandre, enfin, je revienne un peu sur la ville. Pendant ce premier scénario, je vous ai juste parlé de haute et basse ville, mais en réalité, elle est construite un peu plus différemment que ça. C'est pas juste une colonne. La ville de Venise, elle est construite de manière très large, très éparse. Mais, malgré tout, même si c'est très large, très, très, très éparse, très espacé, elle l'est sans être non plus divisée. C'est-à-dire que les constructions ont été, comme vous le savez, nées de 10 lots de terres émergées qui ont survécu du coup à cette mer des crimes, et que les gens, et c'est comme ça que ça a été créé, traverse, etc., ont tout simplement essayé de relier ces petites terres, et ça a créé les premières villes, les premières traverses, etc., etc. Bref, du coup, Venise est très large. Il est très... prend une jolie circonférence, si vous préférez. Mais malgré tout, ça reste une ville qui est quand même une construction en hauteur. Et en fait, largeur et hauteur se confondent. Et jusqu'à présent, pour vous donner un peu une situation, vous étiez surtout dans la partie sud de la ville. Simplement parce que déjà 3 d'entre vous y habitent. Et que la partie sud, c'est là où il y a par exemple les usines de Esther, etc., etc. Mais en réalité, il y a bien plus à visiter, et vous n'avez vu qu'un petit coin de la ville. C'est juste que, pour simplifier, avant de vous présenter une ville globale, je vous ai présenté une partie de la ville comme étant la ville. Bref, dans cette ville, du coup, très espacée, en fait, il y a des localités qui sont importantes, et notamment 4. Ces localités, en fait, ce sont des constructions de début de traverse qui ont été tout simplement habitées. Donc, c'est-à-dire que vous avez des habitations type traversière au milieu de la cité de Venise, dans des coins qui leur sont dédiés. Et chacune, en fait, correspond plus ou moins à un des quartiers, à un des points cardinaux. Cette localité, c'est tout simplement le Quartier artistique, parce que je rappelle que Venise, même si vous ne l'avez pas encore rencontré là, vraiment les dirigeants de la ville, fonctionne assez différemment, même si elle a encore un ministère de la guerre, un ministère de la propagande, par exemple, n'a pas de ministère de la subsistance et n'a pas de ministère de l'urbanisme. Ça a été remplacé par deux autres préfectures. Tout simplement qui sont dérivés de ceux qui dirigent plus ou moins la ville à eux, qui est tout simplement le Quator artistique, qui est tout simplement un conseil créé des 4 types d'art, hein, qui sont du coup la littérature, la musique, le théâtre et les arts visuels. Et c'est eux plus ou moins qui décident et qui travaillent du coup avec les loges, avec les concernes et avec les ministères. Venise est la seule ville à participer comme ça, et du coup il y a quand même des singularités. Bref, tout ça pour dire que chacune de ces localités, en fait, sert d'antichambre à chacune, en fait, de ces loges artistiques. Donc il y a Estampe, Arpège, Murmure et Cimandre. Ce sont les 4 noms. Mais il y a une 5e localité qui est du coup Méandre, celle où vous vous situez, qui tout simplement porte son nom du fait qu'elle est née d'un énorme virage qu'ont fait les constructeurs des traverses pour rejoindre un îlot qui n'était pas du tout sur le chemin de base. Et du coup, ce méandre sert surtout de hall, réunion en fait les 4 coins, réunion en fait les 4 force artistique, si vous préférez. Ça sert de hall cosmopolite, où on réunit à peu près tout le monde. Et c'est là où vous êtes invité, du coup, sur ce petit îlot, cette localité, et notamment dans un des grands bâtiments prestigieux de Méandre. Vous êtes invité, tout simplement, en termes d'officialisation, plus ou moins, du lancement de votre cellule. Vous savez qu'elle est lancée en tant que test, mais vous êtes quand même lancé. Et c'est tout simplement une soirée qui va servir, en fait, de réunir des métropolites. C'est une soirée qui va servir à réunir... notamment les personnes qui financent votre cellule, ce qu'on peut appeler plutôt vulgairement des mécènes, hein, bien que vous ne soyez pas des artistes, du moins pour la plupart. Enfin bref, du coup, vous allez devoir participer à cette soirée, tout simplement parce que de toute façon, vous êtes un peu le sujet d'honneur de la soirée, puisque vous représentez la cellule qui est inaugurée, et on compte sur vous, tout simplement, pour aller... tout simplement discuter un peu avec tous les mécènes, aller discuter un peu avec ceux qui donnent l'argent qui va faire exister votre cellule dans le temps. J'aurais demandé du coup à Victor, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, du coup, ses sentiments à l'heure actuelle, ses émotions, ce qu'il pense. On va dire que je suis plutôt quand même satisfait de comment on a géré notre première affaire, on va dire, que on a su faire preuve d'un esprit d'équipe plutôt intéressant. Il y a quand même pas mal de positifs dans tout ça. Après, je continue quand même un peu à penser que, comme au tout début, que j'ai l'impression encore un petit peu de pas être à ma place quand même là où je suis. Mais que bon, ça s'estompe un peu avec le temps qui passe. Voilà. Très bien. Parfait. Tous les quatre, donc, habillés de votre plus belle tenue, du moins ce que vous considérez comme étant la plus belle tenue, vous rendez du coup à cette soirée. Pour être honnête, si vous n'êtes pas très friand de galas mondains, cette soirée va être assez ennuyante de votre côté. Vous allez devoir tenir pas mal de conversations. De conversations pas très intéressantes dans lesquelles vous allez de toute façon faire en sorte de ne jamais fâcher votre mécène étant donné qu'il représente un atout financier important. Et de l'autre côté, toujours faire bonne figure et montrer toujours une valorisation en parlant à des gens qui n'ont qu'une hâte, c'est montrer à quel point ils sont meilleurs que vous. Telle est la soirée que vous allez devoir passer. Mais dans le lot, certaines personnes vous... attirent votre attention. Notamment un de vos mécènes, que vous avez déjà rencontré précédemment, puisque lorsque vous plus ou moins passez la soirée à tourner, d'un seul coup, vous quatre, vous faites face à un homme à la chevelure blonde, plaqué en arrière qui se retourne, et Vilvalente, souriant, se retourne à vous, pour une émotion. Ah ! Nos vedettes ! Comment se passe votre soirée ? Très bien, et vous ? Oui, je suis très, très honoré d'être à cette soirée. Les gens sont charmants comme tout. J'espère que vous passez un tout aussi bon moment. Parfaitement. Nous sommes ravis de désormais faire partie de la famille, si je puis dire. Justement, ça tombe bien que tu répondes. Esther, que ressens-tu ? Donne-moi tes émotions, ce genre de choses. Je pense que... je suis partagé entre... c'est quand même un peu incroyable. Finalement, on est des gens importants. Ça devient vraiment concret. Parce que rien que le fait que de devoir se plier au code un peu de la société, ça prouve que les gens y prêtent attention. Quoi. Mais de l'autre, je me dis aussi que on est peut-être un peu en train de devenir des vendus. Forcément, les deux sentiments se partagent, mais c'est compliqué de vraiment savoir quoi choisir, quoi, dans ces cas-là. Quoi. Mais non, globalement, je dirais que ça reste quand même assez heureux, quoi. Comme... C'est juste qu'il y a un petit peu la phrase, voilà, de vous êtes pas, vous êtes peut-être les seuls à pas encore être corrompus, qui doit résonner encore un peu à l'intérieur. Très bien, ouais. Je comprends. La conversation, du coup, se continue. Oh, je suis très heureux. Hein. Vous savez, j'ai beaucoup d'espoir dans votre cellule. Après tout, vous représentez peut-être l'avenir de la paix durable qui a besoin de la toile. Je ne connais pas votre âge. Avez-vous connu la guerre d'Acrimonie? Très cher. Cher paix, il ne me semble pas. Il me semble pas non plus. Ouais, non, on est d'accord, il me semble pas. Moi, je l'ai connu de loin, je crois. Oui, toi, tu l'as connu, mais dans des conditions qui ne correspondent pas du tout au commun des mortels. Dans tous les cas, je suis pas allé à la guerre ni rien, donc même si j'avais 2 ans quand c'est arrivé, du coup, je lui réponds non, pas du tout. Absolument. Ok. Oh. Je vois. Je suis une entrepreneuse, vous savez. Je n'ai pas le temps pour la. Oui, je suis bien au courant, vous travaillez dans une usine en parallèle de votre travail de métropolite. Travailler dans une usine ne serait pas le terme que j'utiliserais. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas... Le travail d'une usine serait plus juste, si vous me le permettez. Non, vous avez tout à fait raison là-dessus. Excusez-moi, je ne voulais rien sous-entendre de la sorte. Bon, bah, soit, je suis très heureux de vous voir ici et... Oui. Avez-vous des nouvelles de cette la signora Benenacci? Oh. C'est-à-dire que votre vous m'avez bien facilité la tâche sur ce coup-là. Comme vous le savez, mon ami n'aimait guère la présence de l'usine, mais vu ce qui s'est passé, elle est sur le point de fermer, je pense. Non, les affaires s'en portent mieux, Evelyn. Oh. Ça va dépendre. Il y a un nouvel homme qui gère l'usine. Nous sommes en négociation avec lui. Afin de... Non, de... Non, tout simplement. Tout simplement. Attention à l'écho. Qu'il reconvertisse l'usine, tout simplement, une... fabrication plus saine pour l'économie totale et la de tous. C'est un vénitien nous espérons que de lui qu'il gère bien cette usine et qu'il comprenne avec ce qui s'est passé récemment l'importance de changer sa production. Enfin, vous êtes quand même au courant des retombées de votre enquête, hein. Elle peine à nous parvenir, pour être honnête avec nous. Oh, c'est bien normal, vous savez comment fonctionne ici la transmission d'informations. Si vous n'avez pas à la chercher, elle ne viendra jamais à vous. La ville a bien autre chose à faire que de se soucier de ses habitants. Non, vous savez, le culte que vous avez très bien d'ailleurs enquêté dessus, tout simplement a été éliminé comme il se doit en tant que menace. Par conséquent, une bonne partie des ouvriers de cette usine a été décimée dans le lot. Et ce qui forme forcément, du coup, un besoin assez important pour reconstruire cette usine sur de bons pieds. C'est pour ça, soit elle ferme, soit ce cher Piani arrive à... Piano? Piana? Oh, je me souviens pas de son nom. Je pose une question, MJ. Oh, MJ, oui, tu peux. Je suis désolé de couper un petit peu la scène. Non, mais... J'avais bien envoyé des employés dans l'usine. Alors oui, tu as envoyé 2 hommes et 2 femmes. Est-ce que je les ai fait revenir avant qu'il y ait une espèce de... Alors, tu les avais fait revenir quand ils ont fait le rapport. Mais je crois que t'avais peut-être dit de continuer un peu. Parce que là, j'ai entendu, on les a décimés. Et c'est juste de me dire, merde, je crois qu'il y avait des gars à moi à l'intérieur. Bon. Après, pas tous. Normalement, c'est ceux qui ont lien avec le culte. Oui, c'est ça, mais je me dis... Bon. Peut-être. J'ai pas été prudent sur ce coup-là. On verra bien. Enfin, je propose que nous portions un toast à la prospérité du concern de l'armement. Mais si bien proposé, avec plaisir. Hein. Et vous voyez qu'il claque des doigts pour faire venir hein, des serveurs dans des petites coupes afin de boire. Et il porte le toast avec vous. Parfait. Ce n'est pas la seule personne que vous avez rencontrée, vous avez rencontré bien d'autres, mais une personne assez importante par son statut est aussi venue vous voir un peu plus tard dans la soirée après avoir discuté du coup avec notre cher Ville Valente. Et vous voyez tout simplement un homme plutôt jeune, entre 20 et 30 ans, les cheveux noirs tirés en arrière, un peu la même coupe que Ville Valente finalement. Et au regard assez sombre, au nez aquilin, qui vient vous voir en disant « Eh bien, enchanté mes chers, je suis actuellement le doge de la note. » Pour indication, le doge, c'est celui-là qui contrôle la loge artistique. Voilà. C'est un honneur, votre sérénissime majesté. Moi, je me mets dans un coin, moi. D'ailleurs, justement, profitons de ce début de conversation. Hugo, comment tu te sens en ce moment? Quel est ton sentiment, tes émotions? Dis-moi tout. Je suis plus dans mon élément, qu'on va dire, que dans les bas-fonds et les tréfonds de Venise. Mais bon, je suis toujours pas non plus très à l'aise, quand on vient parler de, comment dire, de ce qui me passionne évidemment, de ce qui me prend encore, le théâtre, les arts de la comédie, du drame. Mais je me sens quand même assez honoré de rencontrer une telle personne, à savoir donc le doge de la, tu as dit c'est la musique. Ah, okay. Bah parfait, très bonne description. Du coup, il continue la conversation. Je suis très ravi de participer au financement de votre cellule. Dites-moi un peu, comment ça s'est passé vos premiers jours? Très bien. Nous ne pouvons pas dire que l'endroit est encore aménagé tel qu'il le sera dans le futur et tel que nous aimerions le faire resplendir, mais... les bases sont là et elles sont solides, n'en doutez pas. Bien. Je suis bien heureux de l'apprendre. L'un d'entre vous pratique un art quelconque? Oh oui, je suis un, si je puis dire, dramaturge amateur à mes heures perdues. Bon, bien que ce ne soit pas, comment dire, aussi élaboré que les plus complexes. Partition que vous devez voir défiler tous les jours, je suis sûr que, si jamais vous seriez d'accord, je serais ravi de vous montrer quelques-unes de mes pièces que j'ai enregistrées, si jamais un jour vous passez dans le quartier. Je serais ravi, vous savez, je travaille bien souvent avec des metteurs en scène de théâtre, des dramaturges. Si je trouve votre art assez raffiné, je pourrais vous faire jouer dans les plus grands théâtres de la ville. Oh, ce serait un honneur. Pourquoi pas même, imaginons, la synthèse de nos deux arts, l'opéra, la sublime voix mélangée, les arts divins du chant, de la musique, avec de la comédie, de l'acteur... et du jeu, je pense que c'est là une grande... Je serais impatient de participer à un tel projet. Je vous comprends parfaitement. L'opéra me passionne bien aussi, bien que ça ne soit pas ma spécialité, mais j'ai deux, trois amis qui pourraient bien vous convenir si vous souhaitez un jour en monter. Eh bien, si jamais vous me souhaitez contacter, me passer leur contact, je suis tout ouïe. Je ferai ça dans les temps à venir. Je suis très heureux que cette cellule comporte des artistes. Vous savez, il ne faut jamais oublier la sensibilité au milieu de ce monde. Oh, vous auriez vu durant notre enquête. Ces ouvriers sont d'une telle vulgarité et si fiers, si orgueilleux. Je pense que cette enquête aura rapporté une certaine... ils savent peut-être un peu plus où est leur place maintenant, du moins dans cette usine, si jamais vous avez entendu parler de en quoi elle a consisté, mais je dois dire que c'est assez répugnant par certains moments de voir une telle ignorance et ces hommes grouillant comme des fourmis au sein de ces bâtiments crasseux. Hein. Je vous ai parlé des détails, mais en faire pâlir les plus grandes catins. Excusez-moi de ce terme qui compose Venise. Je suis désolé de ma vulgarité, mais je crois que j'en ai encore des traumatismes. Cette conversation, en fait, va plutôt s'éterniser. Parce qu'il va seulement rentrer dans un truc et continuer à discuter. Et il va avoir une conversation un peu Hugo et cet homme pendant en fait un bon moment, mettant un peu de côté un peu le reste du groupe qui s'est du coup moins investi, n'étant pas artiste. Vous êtes du coup un peu retrouvés tous les trois pendant quelques temps à continuer, pendant que vous voyez toujours votre ami Hugo déguster sûrement leur meilleure absinthe pendant cette conversation. Et au bout d'un moment, vous rejoignez de toute façon tous les quatre, finissant tout simplement la tournée. Quand une femme d'ailleurs vient vous voir. Cette femme, pour la décrire rapidement, a les cheveux plutôt noirs, très tressés, qui est très caractéristique par un look assez... qui ressort, on va dire, dans ce lieu. Elle a plein de petits bijoux, notamment au niveau des oreilles, ce genre de choses. Un maquillage assez prononcé. Et je sais pas comment ça s'appelle, malheureusement, c'est de ma faute. Vous savez, les tenues... la collerette. Oui, c'est ça, c'est une collerette, je me semble. Autour du cou. Elle vient vous voir. Oh, mes chers, vous êtes bien... Oui, c'est ça, vous êtes les membres de la cellule. C'est bien cela. En effet, enchanté. Bien, bien. Bon, je me présente, je m'appelle Léonie Kramer. Je suis à ce jour la plus grande... participatrice, excusez-moi, au financement de votre cellule. J'espère que vous ne serez pas décevant de ce point de vue-là. J'ai eu vent que Alceo vous cherchez et vous demandez de le rejoindre pas trop tard dans la soirée. Merci de l'information. Non, mais il n'y a pas de souci. Je reste toujours à disposition pour aider autrui. Vous savez ce qu'il attend de nous ? Non, pas vraiment. Je pense qu'il veut vous parler un peu de l'avenir. Après tout, pendant un an, vous êtes un peu sous pression. On va vous demander de tenir la longueur. Hein. Et nous sommes prêts. Mais je suis très ravi de l'apprendre. Sachez que en termes de financement, si vous avez besoin un jour, je suis toujours disponible. Mais vous comprenez bien que mon argent a une valeur symbolique derrière et que je vous demanderai du coup d'être irréprochable hein, quant à son utilisation. Et je ne parle pas qu'une utilisation directe. C'est évident. Ouais. Alors, il est vrai que nous aurions peut-être besoin de quoi améliorer notre matériel au vu des prochaines investigations dont nous allons que nous allons devoir faire. Mais si jamais vous auriez de quoi un peu nous aider, ce serait les bienvenus. Je peux vous faire ça. Vous voyez qu'elle fouille un peu dans son petit veston. Et elle sort une petite plaque de cire et un petit stylet afin de graver dans le cire. Et tout simplement, pendant qu'elle écrivait, bon, n'oubliez surtout jamais d'où provient ces finances le jour où vous aurez à rendre service. J'entends bien pouvoir compter sur vous. Nous ne l'oublierons pas, ne vous inquiétez pas. Bien, bien, c'est ce que j'aime entendre dans toute relation. Elle vous tend du coup la petite plaque de cire dans laquelle a été gravé plus ou moins quelques caractères. Et elle vous dit, bon, vous donnerez ça aux concernes. Normalement, ça vous devrait donner un crédit d'achat dans plusieurs concernes différents. Et... Nous vous en remercions, madame. Bien, avec plaisir. Je prends la scie. Ne le conservez pas à côté de sources de chaleur, hein, bien entendu. Oui, bien sûr. Bien, bien. C'est important. Du coup, bah, je bien. Vous propose d'aller voir ce que nous veut notre chef, quelque part. Oui. Faut qu'on aille le voir. Allons-y. Il y a peut-être Hugo qui est toujours en train de discuter avec son nouvel ami. Ah, il nous a rejoint là. Ah. Ouais, j'ai dit qu'il y avait eu rejoignement avant cette conversation exprès. D'accord. Ah, je savais pas. Oui, parce que bon, après, sinon, tu pourrais passer toute la soirée avec lui. Ça ferait une nuit entière. Et puis bon, je partirais sans JDR solo pour juste cette conversation. Fayot. Du coup, alors que vous êtes en train de monter les marches pour rejoindre les étages où pour l'instant la fête ne s'y situe pas, Kornilov, donne-moi tes pensées, ton sentiment. Comment te sens-tu? Dis-moi tout. Je suis. Je suis, disons, assez, je dirais, mal à l'aise de la situation. On va dire que dans d'autres interactions sociales, j'ai l'habitude de prendre le dessus, on va dire. Ce qui n'est pas vraiment demandé dans cette situation-là. Ce qui fait que je dois un peu me laisser à la merci de chaque personne qu'on rencontre pour espérer avoir de l'argent et tout ça. Donc... Je suis un peu mal à l'aise, mais je fais en sorte de le montrer le moins possible. Mmh. Parfait. C'est très très bien tout ça. Vous avancez, vous rentrez plus ou moins dans les couloirs qui composent cet énorme bâtiment. Et comme je vous l'ai dit, c'est un bâtiment très prestigieux. Et ça se sent que même les murs intérieurs ont été vraiment décorés. Il y a vraiment une insistance sur la beauté dedans. Bon, déjà, c'est une loge artistique qui rejoint de toute façon les quatre grands pans artistiques. Donc, vous doutez bien qu'il y a tableau plein sur cuivre ou alors sur du tissu. Enfin, il y a plusieurs types différents vis-à-vis de ça. Il y a, bien entendu, de quoi écouter de la musique. Enfin, vous sentez vraiment l'art transpirer ce lieu et au point que tout a été vraiment détaillé. Le moindre mur est décoré, il y a des ornements, il y a de la gravure, tout est vraiment fait, pour être soigné, et au point que ça en est presque impressionnant, parce que pour vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore découvert de lieux comme ça. La plupart du lieu, même les lieux soignés, ne le sont pas autant, c'est-à-dire que pour vous, un lieu soigné, c'est un lieu où le mur n'est pas du vieux fer rouillé, c'est déjà un lieu soigné pour vous, même, du coup, pour... Victor, ayant vécu quand même plutôt dans la haute, ça reste bien au-dessus des standards que tu connais. C'est vraiment un lieu qui est fait pour la beauté, pour ce genre de choses, et donc traverser ces couloirs est quelque chose d'assez fort, et vous enfoncez juste éclairé par les bougies sur certains murs, jusqu'à arriver au long couloir menant à une pièce au fond dans laquelle quelques voix se font entendre, vous comprenez. Parmi les voix... vous entendez, plutôt comprendre, vous entendez parmi les voix celle d'Alkeo qui est en train de parler visiblement avec une seule autre personne, vous ne distinguez que deux voix. Vous vous approchez tout simplement vers la porte, hein, votre but étant de toute façon d'aller voir Alkeo. Et le seul fragment de conversation que vous entendez, c'est Alkeo disant « On peut pas leur donner, C'est trop important et... Ils sont pas gradés, ça serait de la folie. Une voix plus calme, enfin en tout cas plus douce, lui répond « Eh bien, donnez-leur leur grade. Hein. » Mais c'est de la folie. Notre but est de tester l'efficacité de ces gens-là, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. Et à ces mots, il ouvre la porte, vous faisant face. Vous voyez face à vous un homme, avec Alceo, bien entendu, derrière lui, mais vous avez face à vous un homme. Dès que mon ordi aura été tramé, je suis désolé. Putain, il nique tout. Voilà, c'est bon, merci. Un homme plutôt vieux, mais vraiment bien âgé. Les cheveux gris tirés en arrière, bien dégarnis. Des traits vraiment très ridés, qui il vous regarde, lève juste un sourcil, fait « Oh, bien monsieur, enfin, bien messieurs et dames, je pense qu'on vous attendait justement. » Et à ces mots, il reprend sa marche. Merci pour les grammes. Enfin, en tout cas, je tenais juste à dire que malgré tout, depuis le début, tu bugs un peu. Depuis le début, je suis très mal à l'aise quand même dans l'endroit. J'ai bien compris que Hugo qui est dans son élément. Voilà, Hugo et... je suis autant mal à l'aise dans cet endroit que Hugo est à l'aise dans cet endroit. Voilà. Pour le coup, effectivement. Vous rejoignez Alceo dans une énorme salle encore décorée, il y a même un faux tapis, pour parler plus aux joueurs, là, pour une vague au personnage, mais vous voyez, une espèce de faux tapis, mais qui a été créé avec des racines de fleurs d'écrime, ce genre de choses, et qui donne cette impression un peu tapis, mais clairement, je ne vous conseille pas de vous y allonger, c'est un peu rugueux. Dans tous les cas, vous rentrez, Alceo vous regarde et vous présente tout simplement d'un main un des canapés de la salle, qui est assez grande hein, pour le coup, ça doit faire au moins 3 fois la taille de votre QG. Et vous fait entrer et asseoir. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose ou vous attendez qu'Alceo prenne la parole? Moi je m'assois et j'attends. Je vais simplement dire, vous nous avez demandé. À qui? Oui. Vous êtes arrivé plus tôt que prévu, faut croire que les informations tournent bien quand on la confie aux bonnes personnes. Bon, bon, c'est bien. Vous avez bien travaillé durant ces 2 semaines qu'on composait du coup votre travail. Vous n'avez pas eu tant de missions que ça à réunir, mais après tout, à votre grade, c'est normal. C'est pour ça que notre supérieur et moi pensons que c'est une bonne idée de vous faire passer gradé. Enfin, vous serez officiellement métropolite, tout le tralala. Excusez-moi mon ton un peu cordial, mais... J'ai eu une conversation plutôt rude. Non, loin de moi de refuser, bien entendu, mais c'est assez rapide par rapport à ce qui était prévu, non? Oui, c'est un peu rapide. Je ne vous mentirai pas en disant que ça ne l'est pas. À vrai dire, normalement, on laisse quand même un peu plus de temps pour vous habituer à nos démarches. D'ailleurs, vous habituez au travail, le fait d'avoir... Vous n'êtes pas surplombé. Je sais que beaucoup se font avoir au début. J'ai été de cela. Vous savez, vous pensez que vous allez faire mission par mission et on vous donne 2, 3, 5, 10 enquêtes en même temps et on vous demande de tous les résoudre. C'est, si vous arrivez à vous en sortir là-dessus, c'est bien. C'est plus dur dans le métier. Foudre. J'en suis absolument pas préoccupé. Évidemment. Bon, enfin. Oui, c'est bien un peu rapide, mais vous savez ce que c'est. Ce sont les ordres. Mais sachez que je pense que vous le méritez vraiment. Après tout, vous avez l'air d'être plutôt efficace au travail, donc bon. Ça. Vous aurez juste à prouver que vous l'êtes effectivement et que personne ne se trompe. Je compte pour vous pour ça. Hein, compris? Évidemment. Ouais. Oui. Bon. Euh, Alors, quelle est donc cette mission que vous voulez nous donner ? Je n'avais pas de mission à vous donner. Je n'ai que vos badges à vous remettre, mais ils vous sont remis demain. Profitez de la soirée, laissez tomber les missions. Éclipsez-vous si vous voulez, profitez de la soirée comme vous le voulez. Demain, préparez-vous, vous aurez une cérémonie, vous allez devoir accepter ce badge. Disons que si vous n'avez pas apprécié la soirée d'aujourd'hui, vous risquez de pas beaucoup apprécier celle de demain. Enfin. Ok. Bien. Allez donc, je vous libère de la soirée. Bonne soirée, chef. Bonne soirée. Vous voyez que à ces mots, il se dirige vers la bibliothèque sur laquelle est porté un verre d'alcool et commence à le boire cul sec. Je me retourne vers les autres et je leur dis, écoutez-moi, je sais pas si c'est moi qui délire ou quoi, mais j'ai l'impression que le chef, il avait pas l'air de vouloir trop nous donner notre augmentation, si je puis dire, notre grade, mais que... il avait pas l'air d'être à l'aise non plus. Ça sent les ennuis, ça. Ça sent qu'il mise... comment dire, beaucoup, et que si on fait de la merde, ça va se retourner contre lui, et que il est pas super à l'aise avec ça. Enfin, c'est ma théorie, perso. Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui va lui tomber sur le nez, et que ça va pas traîner. Selon moi. Ouais, moi, je vous le dis, demain, dès qu'on aura nos badges, on aura notre première mission, très rapidement. Ouais, c'est fort probable. Je sais pas si vous avez l'ouïe aussi fine que la mienne, mais avant même qu'on arrive... Ouais... La discussion qu'il y avait, on a déjà une promesse de choses à faire. C'est, si, j'ai bien entendu. On a entendu la même chose. J'espère que cette fois-ci, notre mission se déroulera dans des environnements plus élevés, si je puis dire. Cela, c'est pas une certitude, mon cher Hugo. Peut-être que la machine a encore parlé. La soirée se passe. Vous allez chacun rentrer chez vous, etc. Tiens, je vais demander à une personne de me décrire sa soirée chez lui, et ce sera tiré au dé pour ne pas faire de favoritisme. Et ce sera Kornilov. Kornilov, décris-moi un peu ta soirée quand t'es rentré chez toi, comment ça a été, comment tu l'as organisé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as ressenti, tout ça, détaille-moi un peu ta vie. En dehors des enquêtes. Eh bien, ce soir-là, je suis donc rentré chez moi et j'ai, pour ainsi dire, annoncé directement à mon mari, en tout cas quand je l'ai croisé, que je montais en grade plus rapidement que prévu, ce qui allait sûrement nous être assez utile pour notre niveau de vie, en tout cas. Et j'ai rien échangé de plus avec mon mari, j'ai tout simplement été dans mon bureau et j'y ai passé la soirée tout simplement à fumer à la pipe et à faire des nœuds avec ma corde, avec mes ficelles que j'aime bien. Très bien. Pour ainsi une soirée, dire, du coup, productive. Voilà, avant d'aller dormir. Ok, une soirée magnifiquement productive. Exactement. Très bien. Le lendemain, donc évidemment le 2 de Verdé 1131. Vous êtes au bâtiment institutionnel de, tout simplement, le ministère de la Propagande. Dans ce bâtiment, vous êtes au niveau du haut, donc vous êtes à l'étage le plus bas, un étage qui est réservé, en fait, pour les cérémonies officielles, etc. Et donc, du coup, c'est un grand hall avec deux escaliers menant, après, aux autres étages. Plusieurs hommes sont réunis, dont des mécènes que vous avez rencontrés précédemment. Par exemple, vous retrouvez les trois personnes que vous avez rencontrées déjà la veille, et donc je remarque que je ne vous ai pas écrit les noms parce que je suis un peu bête. Dans tous les cas, vous, du coup, vous êtes alignés, vous, au centre de ce hall, tous les quatre debout. Derrière vous, et ceux d'en bas au montant à l'étage, se trouve en fait une fanfare, simplement avec des instruments répartis entre l'étage et le dessous, parce que l'étage est ouvert du coup sur le hall. Et tout simplement une fanfare qui joue depuis maintenant une bonne dizaine de minutes, et vous restant debout. Parmi les hommes aussi se trouve l'homme avec qui Alkeo a échangé avant votre venue. Il y a des métropolites un peu partout aussi dans la salle, tous avec des tenues assez variées, des badges différents. Vous comprenez que au niveau de la cellule et de leur fonction, ils ont des tenues tout simplement différentes. Les marches, quant à elles, sont remplies de personnes du milieu mondain. Deux personnes tout simplement invitées venant de la haute et assistant à une célébration et pour vivre une soirée mondaine comme d'habitude. La fanfare s'arrête. Vous êtes toujours immobile, debout. L'homme de la veille est introduit, comme un certain monsieur Landini. Il rentre du coup, se mettant face à vous, et prend la parole. Il va monter sur un minuscule estrade, vraiment très petite, une estrade de métal, pour prendre la parole. Il va faire un très long discours, dans lequel il va retracer historiquement l'importance des métropolites dans les affaires locales de Venise et ailleurs. De l'importance des métropolites dans la paix durable entre les différentes factions composant la vie et la ville. Mais d'autant plus, l'importance de la naissance de cette unité, la vôtre, la cellule inter-empire des enquêtes et des recherches de Venise. Toujours dans le but d'une paix durable et le signe d'un futur radieux, d'un espoir, d'une paix durable et sans hypocrisie. Voilà ce que vous représentez pour lui. Il enchaîne en parlant de la valeur de la paix, de l'importance du contrôle du peuple, du savoir, et de ne jamais retomber dans les crimes. Parlant de les crimes comme invention, parce que je rappelle, c'est la théorie principale de l'existence des crimes. Bien une demi-heure de discours de sa part plus tard, il laisse place à Alkeo. C'est lui qui va devoir prendre la parole lorsque ce dernier l'introduit. Alkeo opine de la tête. La fanfare joue un petit morceau de quelques minutes et Alkeo prend la parole sur le même minuscule estrade. Il invite d'ailleurs Eilig à vous rejoindre. Eilig sortant, vous la voyez assez embarrassée, pas plus à l'aise que vous étiez la veille, et se mettant tout simplement entre vous et Alkeo au milieu de ce hall. Elle se tient fixe. Et Alkeo, du coup, prend la parole. Jeunes gens, je suis fier de vous. Étant responsable de la viabilité de votre cellule, il m'est un honneur de vous voir que vous avez acquéri bien assez de résultats afin de quitter votre hall de bleu. Vous êtes à présent des métropolites qui ne sont plus en avenir, mais des métropolites accomplis. Vous pouvez l'affirmer aujourd'hui, vous êtes un facteur de paix. Vous êtes tout autant métropolite que nous le sommes. Messieurs, dames, prenez donc ce badge. Et il indique de la main Eilig. Eilig qui, du coup, se dirige vers vous et vous tend quatre étreins fermés, des petites boîtes de couleur bleu indigo. Ou violet indigo, je ne sais plus ce qu'est l'indigo. Bref. Bleu. Ouais, c'est bleu, c'est bien ça. Eilig vous sourit légèrement, mais pour ceux qui prêtent le plus attention, ça se voit que seules ses lèvres, en fait, créent ce sourire, parce que son regard, lui, semble exprimer des émotions assez contradictoires, et notamment, peut-être pour certains, de la tristesse, peut-être pour d'autres, de la compassion, vous ne savez pas, mais son regard ne partage pas ce que son sourire est censé dire. Bref, une fois que vous avez saisi vos badges, elle retourne parmi la foule. Et Alkeo enchaîne. À partir d'aujourd'hui, vous avez demandé de faire serment et d'y tenir. À ces mots, il y a un homme qui apparaît et qui sort d'un énorme sac qui est verrouillé de plein de verrous, de systèmes, et ça dure au moins 2 minutes de trou. Vous ne savez pas vraiment comment vous tenir, comment vous comporter. Vous êtes juste là dans le silence au centre. C'est un peu gênant ces 2 minutes, mais vous comprenez rapidement l'importance de tous ces verrous lorsque de ce sac sort un livre fait de papier. Il se lève, vient vers vous, étend le livre. Il vous demande, chacun après les autres, de mettre la main dessus et de réciter le serment qu'Alkeo vous commande. Chacun, les uns après les autres. Ce serment, pour éviter de vous le faire tous répéter, ça ne serait guerre intéressant, vous engage à toujours agir dans le sens de la justice et de la raison. C'est-à-dire dans le sens de la propagande, de ne jamais laisser l'obscurantisme s'agrandir dans la société. Et de toujours faire preuve de justesse dans vos choix et de décisions. D'agir en tant que ministère et d'oublier tout intérêt personnel lorsque vous devez régler des affaires opposant des forces politiques opposées. Et enfin, surtout, œuvrir, toujours pour la paix. Une fois que vous avez chacun prononcé ce serment, la main sur ce livre, la première fois, même pas sûrement, la première fois pour sûr, que vous avez contact avec du bois, même si ce n'est pas du bois direct, mais du bois transformé, ça vous procure quand même un sentiment assez étrange. Et une fois fait, la soirée va commencer. Elle est très semblable à celle de la veille. Les gens viennent vous féliciter, Anna, cette fois c'est eux qui viennent à vous et pas l'inverse. Les mondains et les métropolites se mélangent. Et vous, vous êtes le temps de cette soirée les vedettes et le sujet de toutes les conversations. Cette soirée va donc se passer. Et le lendemain, donc le 3 de Verdé 1531, alors que vous êtes au QG Indigo, vous remettant un peu de tout ça, regardant avec peut-être honneur, je ne sais pas quel sentiment, ce badge que vous avez maintenant sur votre blouson, qui officialise votre présence de métropolite. Alors que vous êtes là, sûrement peut-être à discuter entre vous, le réveil, ce genre de choses. Un homme, du moins vous supposez, toque à la porte. Exactement. Qui va ouvrir ? Je vais ouvrir. Très bien. Esther, visiblement, tu as trouvé ton rôle. Tu ouvres la porte et tu vois un homme. C'est le même messager qui vous a donné la toute première mission. Parfait. Oh ! Comment ça va depuis la dernière fois ? Bien et vous ? Bien, bien, bien. Nouvelle mission pour nous ? Exactement. Nouvelle mission pour vous. Vous avez été mis sur une enquête. Après tout, vous êtes gradé. Faut fêter ça maintenant que vous êtes des louveteaux. Ah là là. Je regrette presque le temps où j'en étais un. C'est le moment où on commence à prendre conscience de ce qu'on est vraiment. Ah ouais, c'est passé si vite. Oui, effectivement, c'est passé si vite. Surtout pour vous. Enfin. En tout cas, vous allez devoir redescendre un peu. Oh, je vous rassure, pas bien loin, mais vous allez devoir aller un peu en... En basse ville, un homme a été assassiné et on vous met sur le coup. Oh. Et quelle est son identité, si je... Oh, vous aurez tout sur place, il y a un témoin qui vous attend et le corps n'a pas été bougé exprès. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu vous chercher si tôt, mais vous comprenez que l'urgence se fait sentir. Ou vous êtes peut-être pas au courant, mais il y a une nouvelle loi en vigueur vis-à-vis de l'utilisation du monorail. Ah, non, en effet, allez-y. La structure de Venise devient vraiment trop fragile. Vous savez déjà que la plupart des véhicules étaient interdits. Mais le monorail posait trop de problèmes. Alors, il n'a pas été supprimé, mais il est drastiquement réduit. Maintenant, il n'y a plus que 2 wagons pour toute la ville. Donc, autrement dit, là, je peux vous réserver un wagon pour que vous descendez, mais il ne sera pas forcément là pour vous remonter. Il faudra maintenant réserver d'avance avec des messages, ce genre de choses. Je sais que ça peut être compliqué, mais c'est la structure de la ville même qui en dépend, et ça serait bien dommage d'avoir une ville qui finisse dans les crimes. Hein. Dommage, oui. Ça, c'est sûr, oui. Malgré tout, ce serait pratique de pouvoir réserver au moins le retour. Vous êtes sûr que ce n'est pas possible ? Vous savez quand est-ce que vous revenez ? Non, en effet. C'est le problème. L'enquête prendra. Parce que on sait quand est-ce que vous partez, puisque c'est maintenant, c'est pour ça que vous l'avez réservé. Mais si je saurais quand est-ce que vous partez, pourquoi pas vous le réserver. Mais c'est pour ça que je vous dis, utilisez un messager si vous douter que vous devez partir de la zone, il fera sûrement en bas. Et sinon, pas de souci. Mais désolé, mais c'est la structure même de la ville qui en dépend. Si la ville en dépend, j'imagine que nous ferons avec. Dis-je en souriant. Parfait. Bon, bah, allez donc prendre d'ailleurs ce wagon, il vous attend et vous aurez bien plus de détails là-dessus. Eh bien, je me retourne vers mes compagnons. Messieurs, une nouvelle mission nous attend. Eh, tu vois, Kornilov, je t'avais dit. C'est moi qui l'avais dit. Ah, mais je te dis aussi. Hugo. Enfin, Hugo. Ah, désolé. Eh, hey, mets-toi des bottes. Après cette blague douteuse de la part de Victor, vous allez vous rendre. On est quand même assez opposés, hein, parce que je prêche le bas, il prêche le haut. Mmh. Voilà. Ouais. Voilà. Mmh. Tout va bien. Je disais, tu as entendu ce que j'ai dit ? Non, mais... J'ai dit, on est assez opposés parce que je prêche le bas, il prêche le haut. Voilà. Oui, c'est bien. Bref, vous prenez du coup ce wagon qui vous est réservé et vous descendez du coup assez rapidement. C'était pas... Bref... Vous arrivez, enfin, comme d'habitude, vous devez descendre plus haut et marcher jusqu'au point de rencontre que vous a indiqué l'homme qui était dans le wagon à vous attendre. Vous savez que le cadavre a été découvert avant-hier, et que du coup, avant-hier soir pour être précis, qu'il n'a pas été bougé depuis, donc on vous demande de faire vos recherches assez rapides. Vis-à-vis du cadavre et de la scène de crime, enfin vos recherches et le cadavre, etc. Je refais, excusez-moi. On vous a demandé du coup l'analyse de la scène de crime et du cadavre d'être assez rapide pour tout simplement très vite s'occuper de ce cadavre qui commence à pourrir au milieu de cette salle. C'était ce que je voulais dire, c'était si simple pourtant. Bref, vous arrivez face à une petite rue étroite habituelle, hein, maintenant que vous avez de la base ville, bien que ça va, elle est plutôt assez haute dans la base ville, même si vous êtes assez loin de la haute ville. Mais vous faites face à un énorme bâtiment qui, par ses caractéristiques, semble en fait être un théâtre. Mmh. Il y a un homme d'ailleurs qui attend devant. Cet homme a la mine plutôt triste. Hein, pour. Être honnête, il a un visage très bouffi, très rond, une coupe de cheveux très court sur les côtés et plus vague au niveau du crâne. Et voyant les badges, il comprend qui vous êtes, il arrive vers vous en mode. Vous êtes. Les Métropolite pour l'intérieur. Oui, monsieur. Ok. Pouvez-vous nous conduire sur la scène du crime ? Oui, je peux faire ça. On a touché à rien comme vous avez demandé. C'est bien. Et voilà. Vous avez des questions avant de rentrer parce que je resterai pas avec vous. Vous avez l'air d'être justement un petit peu choqué par tout ça. Vous étiez familier avec la victime ? Ah oui. Bah, c'est lui qui dirigeait ce théâtre. D'accord. Son nom ? La victime, c'est Photius. Photius Isamboras, je crois, son nom de famille. Itzamboras, d'accord. Ah, très bonne question. Tiens, fais-moi un test, s'il te plaît. J'ai pas entendu ce qu'il a demandé. Il a demandé s'il connaissait. Du coup, fais-moi un test, s'il te plaît. Je vais tuc de... au choix, un truc social, soit créativité, soit représentation. Ce que tu veux entre les deux. Ouais, représentation. Ok. Alors, 2D, ah ouais, c'est ça, c'est 2D, tu ajoutes le tout. Excellente réussite. Du coup, oui, tu ne le connais pas, et lui enchaîne. C'est un acteur qui a pris la direction de ce théâtre. Vous le connaissez, ce théâtre. C'est le petit théâtre rouge, vous en avez entendu parler? Non. Oh, je comprends, vous. Peu de gens... sont au courant. C'est un théâtre solidaire, c'est-à-dire que nous faisons des représentations gratuites pour les enfants et les personnes les moyennes. Mais enfin, comment faites-vous donc pour survivre? Enfin, nous vivons tous dans nos moyens et d'art à côté. Moi, je suis la seule personne qui est payée. Et je vis des pourboires et des services qu'on peut rendre à une personne qui gère l'accueil, quoi. C'est vous, comment c'est vous est morte la victime, dis-je avant de rentrer. Oui. Oh, je ne sais pas, je suis pas resté longtemps, moi. C'est pas moi qui ai découvert le corps. Mais... qui l'a découvert? Je veux pas lui attirer des ennuis, je suis désolé. Non, vous êtes obligé de nous le dire. Vous ne pouvez pas cacher des informations de telle importance à nous. Nous devons bien sûr mener un interrogatoire des plus poussés. Et si jamais vous refusez à nous fournir ces informations, ça pourrait se retourner contre vous. C'est ce que je pense qui pourrait être très regrettable. Alors veuillez nous dire immédiatement qui a découvert ce cadavre. Nous vous promettons que si jamais il n'est lié en aucun cas à cette crime, ça ne lui portera aucun préjudice. Nous ne sommes pas tenus d'informer quiconque, si ce n'est le ministère de la Propagande, qui nous avons interrogé. Et cela ne partit... Enfin, la réputation, que sais-je, de cette personne ne pâtira en rien de cette interrogation. Oh, excusez-moi. Je comprends, mais... Comprenez que... cette personne est professeur auprès d'enfants. C'est une bonne personne, et comment leur expliquer aux enfants? Vous voyez ce que je veux expliquer quoi? Elle a juste découvert le cadavre et elle est partie me rejoindre aussitôt. Vous n'en tirez pas plus qu'avec moi. Non, désolé, je souhaite que vous ne donniez le nom de ce professeur, si vous le dites. Monsieur, c'est important pour l'enquête. Donnez-le moi ou vous aurez des problèmes, ça je peux vous l'assurer. Vous savez, dans mes conditions de vie, des problèmes de plus ou de moins ne me font pas peur, mais... Bon, nous allons voir le cadavre. Si jamais vous ne donnez pas ce nom après, quand nous sommes revenus, je vous promets que vous allez commencer à avoir de sérieux soucis. Avec le ministère de la Propagande. Monsieur, je vous l'ai dit, je ne vis pas dans des conditions assez fortes pour avoir peur d'avoir des problèmes supplémentaires. Ma vie n'est déjà que problème. Si vous voulez absolument baser là-dessus, bah soit, engagez ce que vous voulez, jetez-moi dans les crimes, ça, j'en ai que faire. Je ne parlerai qu'à condition d'être assuré qu'il n'arrivera rien à cette personne. C'est une des rares personnes qui est encore bonne dans ce monde, vous comprenez. Je ne peux pas lui porter préjudice. Vous avez pas entendu tout le blabla qu'il a raconté, il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Oui, mais le blabla des métropolites, je le connais. Je veux une preuve plus... Ce n'est pas le métropolite qui vous parle, mon très cher, mais c'est le dramaturge. Je vous promets, en qualité d'artiste, que je ne leverai la main en aucun cas sur cette personne, que je ne ferai, je ne sais pas, que voulez-vous que je le dise, que je ne la calomnierai pas, je ne la harcèlerai pas. Je vous promets que cette personne ne subira aucun mauvais traitement, mais j'ai besoin de connaître son nom pour poursuivre un interrogatoire. S'il vous plaît, veuillez me le fournir de ce pas. Cela vous suffit-il? Vaut-il d'autres engagements? d'autres gages, c'est quoi, enfin, je suis métropolite, je n'ai pas à vous demander ce genre de choses, et considérez ceci comme une faveur, car croyez-moi, certains de mes collègues n'ont absolument pas cette patience, et vous aurez déjà envoyé au cachot. Il n'y a pas de cachot, il n'y a que les crimes, je le sais, c'est là où a fini mon frère à cause de l'un d'entre vous. Mais je vois, oui. Vous pouvez juste m'assurer que vous ne m'irez pas en posant des questions devant les enfants dont elle s'occupe. Vous êtes une femme ? Oui. Très bien. Mais si vous... Non, ce n'était pas dans mes intentions de parler de meurtre à des si petites choses innocentes. Je sais que visiblement vous avez des problèmes avec notre profession, mais nous ne sommes pas aussi monstrueux que vous le pensez. Alors maintenant, seriez-vous assez aimable pour me donner le nom de cette charmante personne, s'il vous plaît ? Moi, je suis prêt à rentrer, hein, pour aller voir la victime. Il s'agit de... Madame Maria Adzinati. Vous la trouverez à l'école populaire, se trouvant quelques rues plus bas. Ce n'est pas une enceinte officielle, hein, bien entendu. C'est juste un bâtiment qui a été récupéré. Un bâtiment, une salle plutôt. Très bien. Vous voyez que ce n'était pas aussi difficile que cela paraissait. Maintenant, je vais vous demander, pouvez-vous me répéter votre prénom à vous, s'il vous plaît, je vous prie. Bien sûr. Dès que j'aurai fini d'écrire le nom de la première personne. Je m'appelle Iron Highsmith. Très bien, monsieur Insmith. Nous nous reverrons de ce pas très bientôt. Maintenant, allons examiner le cadavre, si vous le voulez bien, mes très chers collègues. En route. J'avance. Vous dirigez du coup à l'intérieur de ce petit théâtre. Vous rentrez dans une petite salle d'accueil dans laquelle il y a plusieurs salles. L'homme vous a suivi pour vous indiquer quelle entrée prendre. Il s'agit de celle du milieu. En gros, il y a trois petites salles, donc trois portes dans cet accueil. Vous ouvrez la porte du milieu. Cette énorme porte de métal qui coince d'ailleurs un peu hein, sur le sol. Vous savez que ça ne se respire pas ici la luxure financière. Ça se voit, c'est de la récupération et vous comprenez mieux le côté populaire de la chose. Dans tous les cas, vous rentrez et une musique résonne à vos oreilles. Vous avancez. La musique semble provenir directement de la salle. Une fois passé le cadran de la porte, se trouvent des petites marches qui semblent faire office de chaises. Et face à vous, une petite scène de métal sur lequel... se trouve un chandelier allumé avec plusieurs bougies dessus, un gramophone disant le disque que vous entendez à l'heure actuelle. Vous avancez, montez sur la petite scène, et face à vous se trouve le cadavre de cet homme qui a été tué. Le cadavre a un signe distinctif plutôt fort. Puisque vous approchant à peine, vous pouvez le voir que sur la longueur de son torse, du moins du haut du torse au bas du ventre, se trouve un dessin qui a été gravé dans le corps, si on puisse dire. Un dessin formant une sorte d'œil rempli de petites inscriptions, de semblant de gravures. Au centre de cet œil se trouve une armature formant de plusieurs tracés. Et l'œil est lui-même composé de plusieurs cercles. L'homme est du coup sur le dos. Il n'y a que ça sur cette scène, que ça sur cette salle. Et vous avez face à vous votre premier crime. Et on va se laisser là pour ce soir.